C'est parti pour une autre émission régulière, La Voix des Guerriers. Et je vous l'avais dit, il faut pas contredire ma voyante Gisèle. Elle l'avait prévu. Victoire par Matt Hamill. Victoire convaincante. Belle prestation du copain Matt Hamill qui est allé d'une première défaite dans le cas de John Jones grâce à cette superbe performance de Matt Hamill. Et je remercie ma voyante Gisèle qui encore une fois m'a fait avancer dans le tableau des paris virtuels sur mmanouvelle.com. Alors merci Gisèle. Et aujourd'hui évidemment on va vous parler de ce Ultimate Fighter, la finale de la 10e saison de cette série-là. Et puis, par la suite, on parlera un peu de K1. Il y a un autre UFC, celui-là, qui risque d'être un peu plus, beaucoup plus intéressant même. Ça va être la semaine prochaine, donc on va vous présenter cette carte-là. À travers ça, il y a des potins, des nouvelles et plein d'autres sujets qu'on va aborder. Mais pour commencer, on salue mon partenaire, Frédéric Garcia. Bonjour! Salut Ken, Matt Hamill, tu dis-tu qu'il a fait comme une performance parfaite de mannequin pour les accidents d'auto là, pour tester, c'est à peu près ça. Et pauvre garçon, hein. Et quel raclé, on en avait parlé la semaine passée, on disait que bon, John Jones c'était probablement l'un des plus beaux talents, il ne restait qu'à le faire t'sais, polir, puis toute une performance de John Jones. On l'a vu dans son coin, justement, celui à qui on a parlé la semaine passée, le coach, le préparateur physique de Georges St-Pierre, Jonathan Chamber, qui était dans son coin. On a vu Greg Jackson aussi. Écoutez, si ce gars-là là, ça se donne à l'entraînement à 100%, il va être dur à arrêter. John Jones, là, franchement, c'est à chaque combat, je pense qu'on le redécouvre. Il est incroyable. À chaque fois qu'il amène un adversaire au sol, on dirait qu'il peint un tableau. C'est toujours un chef-d'œuvre. C'est toujours extraordinaire, créatif en plus, spectaculaire. Alors, on va parler de son combat, ça c'est sûr, dans les prochains instants. Toi, Fred, si tu avais un résumé à faire de ta soirée d'hier, ça ressemblerait à quoi? Ma soirée d'hier, je dirais que le combat de Frankie Edgar puis Matt Veitch a été super bon, j'ai trouvé. On a eu beaucoup d'action. Le combat de Roy Nelson, ben je m'attendais à ça. Et le reste de la soirée, John Jones, c'est malheureux, c'est ça, comment que ça finit. Et tant qu'aux deux autres combats qui impliquaient des participants de l'Ultimate Fighter, ça faisait un peu dur, là. Kimbo contre Houston, ça fait dur. Puis Matt Mitrione contre Marcus Jones aussi, ça faisait dur, c'était pas beau à voir. D'après moi, c'est pas supposé d'être sur un gala UFC, ce genre de qualité de combat-là. Effectivement, je dois dire, là, on a des gars-là au Québec, la professionnelle, qui étaient avec des combattants qui sont bien plus versatiles, polyvalents et performants que la plupart, je dirais, qu'une partie des combattants qu'on a vus hier. Certainement, là, l'organisation MFL ici au Québec, Ringside, organise, je pense, des combats qui sont souvent beaucoup plus intéressants que ceux qu'on a vus hier. Alors, on va les décortiquer. Commençons par Roy Nelson contre Brandon Schaub. C'était pour voir qui serait le champion de cette 10e saison. On est dans la catégorie des poids lourds, bien évidemment. Nelson, je pense, partait favori dès le départ, celui qui avait le plus d'expérience en MMA. Et il l'a prouvé tout au long de la série. Puis hier, encore une fois, a battu son adversaire. Là où son adversaire était supposé être plus fort que lui, mais Nelson, je pense, a trouvé juste un petit moment, puis il a profité de l'opportunité, une main arrière qui a frappé Schaub au menton, puis il s'en était fait. Oui, c'était un coup solide qui a mis Schaub à terre tout de suite. Pendant qu'il tombait, je regardais sa figure, la prise de vue nous l'a montré, puis on pouvait voir qu'en tombant, il était déjà dans les pommes, en train de faire un beau rêve. Roy Nelson, lui, il s'est fait quand même sonné une couple de fois, si tu te rappelles, Brandon Schaub rentré avec son jab, puis il réussit à connecter, mais Nelson, en bon vétéran qui est, a pas paniqué, puis il est resté avec son plan de match. Un moment donné, il a amené Schaub à terre, mais Schaub a réussi à se relever. Le combat a juste duré un round, mais il y a quand même eu de l'action dans ce combat-là. On peut pas dire que les gars étaient non plus mauvais ou quoi que ce soit. Ils ont donné un bon spectacle, malgré que ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ouais, bah c'était correct là, c'était décent, je dirais, mais quand même ouais, décent, c'est le mot le qualificatif. Avec le reste de la soirée, ça c'était un méchant upgrade, moi j'ai considéré. Juste avant quand même, il y avait deux excellents combattants, Matt Hamill, un gars avec un cœur gros comme comme Las Vegas, contre John Jones, le gars avec le plus talentueux, je crois, à l'instant, là, dans l'univers du MMA. John Jones est incroyable, peu d'expérience, mais bon, très grand, puis en plus une portée incroyable. C'est un mutant athlétique, rapide, il utilise ses jambes, ses mains également, une technique de lutte super impressionnante. Il n'y a pas de grand défaut, et hier, quand même, il est allé d'une superbe prestation. Il a perdu suite à un coup illégal, mais quand même, on a tous vu que John Jones est promis à avoir une carrière exceptionnelle. J'ai bien hâte de ce qui va se passer avec lui dans les prochains mois. Puis dans le cas de Matt Hamill, c'est toute une raclée. On a vu, je pense qu'il s'est blessé à l'épaule, puis c'est Stéphane Vigneault qui nous disait peut-être que Matt Hamill, étant donné qu'il était sourd, qu'il n'y avait pas un problème ou il était en déséquilibre, parce que bon, on sait que l'équilibre, bon, il y a une grande partie qui vient, je pense, une partie de l'oreille, mais on a vu Matt Hamill très déséquilibré, puis c'est deux coéquipiers qu'il tenait à la fin du combat pour ses commentaires. Le gars a vraiment mangé toute une raclée. Et John Jones, très impressionnant. Oui, toute une performance. Moi, il y a tellement d'aspects différents sur John Jones. Jones en plus, parce que le combat a commencé, puis tu le regardes bouger dans la cage, c'est quasiment beau à voir, parce que il y a de la grâce, ou je sais pas, il y a du style juste dans ses mouvements. Il a sorti encore un spinning, un coup de coude en spinant, qui était assez beau à un moment donné, mais il a pas connecté super fort, mais c'était une belle tentative. Un paquet de coups de même aussi, si tu voyais, je sais pas si t'as remarqué, il rentrait avec un crochet qui était pas pire aussi, mais Matt Hamill aussi, debout, m'a bien surpris. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Matt Hamill au début. Malheureusement, le combat aussi, il a pas duré super longtemps, alors on a l'image de John Jones qui a dominé Hamill, ce qui est vrai, mais Hamill a quand même bien fait dans les premières minutes debout. Je me rappelle, je me disais, wow, Hamill a amélioré son stand-up. Mais comme tu dis, John Jones, c'est un des tops. Puis aussi, là, faut qu'il se batte contre un des tops, que ça soit peut-être un Lewis Cain qui vient de perdre, ça pourrait être intéressant, mais même plus haut que ça, je dirais, ça serait encore mieux, un adversaire de top calibre. Ouais, mais moi je considère Matt Hamill comme un excellent combattant. Je pense qu'il n'y a pas grand autre combattant qui aurait pu dominer Hamill comme Jones l'a fait hier. Puis debout, c'est vrai que bon, John Jones quand même est spectaculaire, mais sa jambe avant quand même est assez accessible pour les frappes, et c'est pour ça qu'Hamill quand même a réussi à toucher cette jambe-là à quelques reprises. Faudrait demander aux entraîneurs du TriStar qu'est-ce qu'ils pensent du style de John Jones, parce que c'est bien excitant pour un amateur, mais pour un coach qui, lui, doit sûrement vouloir quelque chose de plus techniquement, si on veut, normal, correct, je me demande comment qu'eux autres réagissent avec ça. Ils doivent adorer le fait que Jones a beaucoup d'athlétisme et tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même un style, si on veut, un peu wild, un peu fou, si on veut... À y aller avec des coups un peu explosifs là, qui viennent de nulle part. Ouais, très impressionnant encore, John Jones. Lui, il pourrait, je pense, faire des combats principaux là, dans les prochaines cartes du UFC pour les 10 prochaines années. Ça va être intéressant à suivre cette carrière-là. Du côté de Matt Hamill, moi, j'ai pas de doute, il va revenir. Ça va lui prendre un bon petit bout de temps pour se rétablir de tout ça. Mais on va le revoir, puis c'est un gars, je pense, quand même solide. On l'a vu sur le dos hier, par contre. C'est la première fois, moi, je le voyais sur le dos. Puis, bon, évidemment, comme un bon lutteur, nécessairement, sa force, c'est pas sur le dos. Et on a vu en grande difficulté, puis pas être capable de faire vraiment quelque chose lorsque John Jones est en position montée contre lui. Bon, certainement que c'était pas facile de se déprendre de ça, là. Puis les coups de coude pleuvaient de toutes parts. Puis c'est à la fin, je pense, Jones a appliqué deux coups de coude illégales, c'est-à-dire trajectoire de haut en bas, puis la pointe du coude en plein en face de Matt Hamill. Mais on aura tous vu que de toutes les manières, Hamill était fini avant ça. Puis je pense que il y a une sérieuse blessure à l'épaule également qui ne lui a pas permis de se défendre très bien également au sol. Là, je vais te mettre un peu au bout au bout de la colline, puis je vais te poser une question à voir. Tu penses-tu que John Jones est déjà peut-être prêt, genre, à affronter, je sais qu'ils sont dans la même équipe, mais un Rashad Evans? Parce que moi, hier, je me suis quasiment dit là, que John Jones, il me paraît supérieur que Rashad Evans à 205 livres. Ouais, ben, écoute, moi, Rashad Evans, je l'aime bien, mais Matt Hamill, je trouve que c'est un Rashad Evans, mais moins fluide peut-être, moins rapide, puis peut-être moins rapide avec ses mains surtout, mais sinon, c'est deux excellents lutteurs, deux gars qui peuvent faire beaucoup de mal au sol lorsqu'ils sont en situation dominante sur le dessus, mais ouais, effectivement, là, John Jones, je pense, a... Écoute, c'est un gars qui va être super dangereux. Là. Je ne sais pas qui va pouvoir l'arrêter, mais ça risque de donner des combats spectaculaires dans l'avenir. John Jones contre n'importe qui. De toutes les manières, cette catégorie-là est tellement bien intéressante dans le UFC. Là. Je pense que j'ai bien hâte. Moi, j'ai hâte de voir. Puis John Jones sur Rashad Evans. John Jones, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup plus talentueux, là, je pense. En tout cas, il y a plus d'armes. Le potentiel est là, en tout cas. Oui, ah, certain. Bon, avant ça, il y avait Kimbo Slice face à Houston Alexander. Si on tournait en rond pendant 15 minutes pour décrire le combat. Ben moi, j'ai été étourdi, mais honnêtement, c'est Houston Alexander. Là, il s'est pas présenté, puis j'imagine qu'il y avait un plan de match, mais il l'a sûrement pas utilisé de la bonne manière. Là, il tournait, mais ça avait aucun but là. Si tu veux tourner autour d'un adversaire pour te trouver des angles d'attaque, faut pas que tu restes à 10 pieds de lui. Là. Faut que tu sois quand même assez près pour pouvoir l'attaquer à quelques occasions. T'as-tu eu la chance de regarder comme tu fais des fois les différents pointages sur les sites ou? Ah non, j'ai pas fouillé là-dessus parce que moi c'était assez clair. Je me demandais bien parce que j'ai pas aucun problème avec la victoire à Kimbo. Pour moi les deux rounds, moi j'avais donné deux rounds à Alexander, mais les deux auraient pu aller facilement à Kimbo parce qu'Alexander faisait juste tourner et donner des coups de pied. Puis justement Kimbo avait dominé le second round où ce que il y a eu une couple de moments explosifs là où ce que Kimbo a fait aller la foule, mais je pense qu'on a vu que les deux, que ce soit Kimbo ou Houston Alexander, une fois au sol, il avait pas les aptitudes qu'il avait besoin. Kimbo pour finir, puis Houston Alexander pour s'en sortir. Il me semble souvent, je voyais que Houston Alexander, il laissait toute sa tête à Kimbo. Kimbo aurait pu faire un choke ou quelque chose, puis on dirait qu'il a même pas vraiment essayé. En tout cas, ouais, un combat Houston décevant. Alexander, il a plus sa place dans le UFC, ça c'est certain. Le gars, je pense qu'au sol, il est pas capable de rien faire, Houston Alexander. Il l'a prouvé dans chacune de ses défaites qu'il a subies dans le UFC, sauf face à James Irvin où ça s'était joué debout, mais sinon, ses autres défaites qu'on a vues dans le UFC, on a vu au sol, il est dépourvu, il sait pas quoi faire. Puis hier, il affrontait Kimbo Slice, qui a eu l'air de Rickson Gracie au sol, tant Slice a dominé le combat au sol. Houston Alexander, aucun talent au sol. Puis en plus, debout, hier, il s'est pas présenté, il voulait pas échanger. Le UFC, si ils ont mis cette confrontation-là entre Kimbo et Houston Alexander, on comprendra, c'est qu'on s'attendait à ce que ce soit un combat spectaculaire debout, puis qu'on échange coup pour coup, et puis que Houston Alexander allait en profiter parce que on a tous vu qu'au sol, il donne rien. Puis on lui a donné un combattant qui allait combattre dans la game que Houston Alexander, on s'attendait, aurait aimé jouer. Puis il l'a même pas fait. Il a pas voulu échanger face à Kimbo Slice. Alors Houston, moi je suis convaincu qu'on le reverra pas dans le UFC. Pour ce qui est de Kimbo Slice, a pas prouvé nécessairement grand-chose. Les deux étaient très épuisés à la fin du troisième engagement. Non, c'était un combat gênant pour le UFC. Et je suis très déçu de ce combat-là. Oui, exactement. Puis avant l'émission, tu me disais que tu pensais que Kimbo allait sûrement recombattre. Puis tu as sûrement raison qu'il va sûrement recombattre dans l'UFC juste à cause de l'argent qu'il a à faire. Mais honnêtement, moi, ça me donne quasiment un goût amer dans la bouche parce que c'est surtout l'attention qu'ils reçoivent. Tout le monde parlait surtout de ce combat-là. Quand justement on a vu John Jones faire une super performance, ça n'a pas été long, mais on voit que John Jones c'est un vrai combattant. Le combat, comme je disais tantôt, Frankie Edgar contre Matt Vicha aussi, c'était un vrai combat des deux bons gars qui ont donné un bon spectacle. Alors, j'ai surtout de la misère avec toute l'attention que le combat de Kimbo reçoit. C'est pas de sa faute à lui, puis on peut pas le blâmer de dire oui à l'argent. Mais j'espère que Dana White va passer à autre chose. Ouais, ben, ouais, mais si tu veux grossir l'organisation, si tu veux faire connaître le sport-là à un auditoire Ouais, mais qui c'est ne pas suit pas Kimbo que je nécessairement veux. ça encore, non, mais je pense que si on reste autant avec la même gang que nous, on apprécie, on n'ira pas chercher d'autres téléspectateurs qui suivraient peut-être pas ce sport-là, qui ont commencé à suivre ce sport-là à cause de Kimbo Slice. Je pense que pour le sport, c'est bien, pour le Tu UFC aussi. penses que Kimbo va chercher vraiment des nouveaux amateurs d'MMA, puis tu penses surtout que ces amateurs-là, c'est des vrais amateurs d'MMA? Ah ben ça, je m'en fous qu'ils aiment le sport ou pas, mais ils sont là, ils payent leur ticket, ils payent, ben là, c'était pas sur pay-per-view hier, mais ils le font. C'est comme, tu sais, ici, là, on a une équipe à Québec universitaire au football, le Rouge et Or, qui remplit le stade bien souvent, entre 10 000 et 18 000 personnes. On s'entendra, il n'y a pas 18 000 amateurs vraiment de vrai football, je pense, ici à Québec. La plupart vont là parce que c'est pour l'événement. Puis Kimbo Slice attire ce genre de personnes-là. Je pense qu'ils vont là pour l'événement. Ouais, Ça ça, je fait suis connaître le d'accord. sport. Mais justement, tu vois, je pense que ces amateurs-là, ils achèteront pas l'UFC 107, justement, parce que c'est pas des vrais amateurs. Et pour aller chercher pour convaincre quelqu'un de devenir un vrai amateur de MMA, moi, en tout cas, c'est pas Kimbo Slice que je montrerai à un ami pour essayer de l'amener à devenir un amateur de MMA. Je vais essayer de vendre Georges St-Pierre, je vais essayer de vendre bien des gars, Anderson Silva, avant d'essayer de montrer Kimbo Slice. Mais ouais, t'as raison, c'est ça, c'est une question de marketing, vu que les gens achètent, mais Kimbo va avoir sa place. Si on veut, c'est pas plus différent qu'un Chuck Liddell ou un Tito Ortiz. C'est la même chose. Tant qu'il y a du monde qui sont prêts à payer, ben on va les voir. Oui, ben, tu sais, je suis un peu d'accord avec toi, là. J'aime bien mieux les Georges St-Pierre, les combattants, je pense, qui représentent de belles valeurs dans l'octogone, puis je pense à en dehors de l'octogone aussi, mais également, ça prend de la variété de combattants, des styles différents, des caractères différents. Faut pas qu'on ait juste des combattants beaux, propres et purs, ça pourrait être pas trop Ok. intéressant. À un moment donné, il faut qu'il y en ait qui sortent un peu du lot. J'ai trouvé une solution. On met Kimbo Slice comme Paul Buentello, puis je vais regarder. Ouais. Mais j'arrive pas à comprendre comment as-tu pu donner le premier round à Usman Alexander qui a Mais absolument rien fait. qu'est-ce que Kimbo il a fait? Houston a tourné en rond autour, il a donné au moins une Non, couple de coups de pied. je peux comprendre un 10-10, mais un 19 en faveur de C'est-tu Usman légal, Alexander. premièrement, un 10-10? Parce que moi, il me semble, j'ai déjà entendu dire que tu peux même pas faire un 10-10 quand t'es un juge. Ah, ben je verrai pas pourquoi, là, Il me semble qu'ils sont obligés de donner le round à quelqu'un. Ben, en tout cas, je vais me renseigner là-dessus, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ils sont obligés de mettre un 19, à moins qu'il y ait des points d'enlever, là. Parce que moi, je pense que tu ne peux pas donner le round à Usman Alexander alors qu'il a vraiment rien fait. Il a peut-être touché deux, trois fois au premier engagement, mais s'il fuyait Kimbo Slice. À un moment donné aussi, je pense, bon, c'est pas juste sur les coups de silence, mais c'est sur le contrôle. C'est sûr que Kimbo Slice s'est peut-être pas déplacé de manière intelligente, là. Au lieu de le suivre, là, il aurait fallu qu'il coupe Ça l'angle pour aller ressemblait à chercher. un. Ça me rappelait mes cours de mathématiques, là. Kimbo, il était le bout pointu du compas, puis Houston était le crayon qui tournait, là. Ouais, en tout cas, ça a vraiment pas donné le spectacle espéré. Mais avant ça, il y a eu un combat un peu plus, ben, beaucoup plus intéressant entre deux vrais combattants de MMA. Deux gars qui peuvent bien se débrouiller debout, sont rapides, explosifs, qui ont une excellente lutte, puis au sol également, qui ont donné un combat intéressant. Il s'agit de Frankie Edgar et de Matt Veitch. Matt Veitch qui s'est entraîné avec Matthews, puis ça paraissait quand même, on l'a vu là dans deux slams, façon Matthews, il y a quelques années de ça, alors que Matthews dominait la catégorie des 170, eh bien Veitch était beau à voir au premier engagement, mais au deuxième, peut-être un peu d'essoufflement, puis Frankie Edgar en a profité pour aller chercher une belle victoire par étranglement arrière au deuxième engagement à 2 minutes 22. Oui, mais tu vois, moi j'ai mentionné une couple de fois que j'ai beaucoup aimé le combat, puis moi j'aime bien Frankie Edgar, puis je l'aime surtout parce que c'est l'exemple parfait pour moi pour dire que je veux que la WEC puis l'UFC s'unissent, parce que Frankie Edgar a eu une super de belle victoire, mais justement je pense que à long terme, à 155 livres, il va avoir un problème, il est pas assez gros, il est pas assez grand, puis pour un gars comme Frankie Edgar, c'est sûr que c'est beaucoup plus payant combattre à 155 livres dans l'UFC qu'à 145 livres dans la WEC. Edgar mérite un gros combat, c'est officiel. Puis moi, je vais continuer à pas croire en lui justement à cause de sa grandeur. Puis je vais y souhaiter qu'il me fasse mentir parce que c'est un bon combattant quand même. Il est le fun à voir, il bouge bien. Et comme tu dis, il est polyvalent. Alors, Frankie Edgar, moi, je vais continuer à garder un œil dessus. Mais c'est mon exemple parfait, comme je dis, pour une unification de la WEC puis de l'UFC. Oui, puis Malvich avait l'air beaucoup plus gros hier soir. Mais bon, ce matin, les deux ont la même fiche, 11 victoires et une défaite. C'était la première défaite encaissée par Matt Veitch et Frank Edgar, lui, qui continue sur une belle lancée avec sa 11e victoire. Mais on a vu, là, en lutte, Veitch avoir supérieur à Frank Edgar aussi, bon, sa force musculaire également, qui l'a aidé à bien jouer au premier engagement, puis peut-être même de gagner le premier round. Où il a réussi deux slams là, spectaculaires. Bon, par la suite, peut-être un peu plus rapidement, Marcus Jones face à Matt Mitrione. Bon, Marcus Jones, on s'attendra, a le talent peut-être de Usain Alexander debout. Là, on a vu ce que Usain Alexander fait au sol, Marcus Jones l'a fait debout. Il n'a aucun talent debout. Tu te rappelles... J'ai un blanc de mémoire, là, c'était Fabricio Verdum contre Antonio Silva au Gala Strike Force. Je t'avais mentionné là, que j'avais trouvé que c'était un bon combat pour commencer la soirée parce que c'était technique. Puis hier, on a eu complètement l'opposé. On a eu un des pires combats potentiels pour commencer une soirée. Puis on parle de monde qui connaissent plus ou moins le MMA. Mais justement, si ceux qui connaissent pas le MMA qui regardent ce combat-là pour la première fois, si c'est ça leur premier combat de MMA, moi, j'imagine qu'ils ont une opinion que c'est pas les meilleurs athlètes s'ils voient ça. Alors, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup aimé ce combat-là. Matt Mitrione m'a déçu toute l'année parce que c'était un chialeur. Puis Marcus Jones, ben, il est bien gentil, mais il a tout simplement pas la tête d'un combattant, là, l'esprit, je pense, pour réussir. Non, c'est pas une très belle soirée. Avant ça, il y a James McSweeney qui a réussi à se débarrasser de Daryl Schnuver par TKO au troisième engagement. John Madsen, tant qu'à lui, a vaincu Justin Wren par décision partagée. Il y a Brian Stone également qui a réussi à vaincre Rodney Wallace par décision unanime. John Howard, lui, a battu Dennis Allman. Allman, c'est un vétéran. Il en était un retour dans le UFC, mais il a subi une défaite au troisième engagement. À la toute fin du combat, il restait que 5 secondes et ça s'est terminé par un KO. Mike Bolchek, le Canadien, qui est allé évidemment avec ses forces au sol. C'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Il s'entraîne avec l'American Top Team. Il a réussi à utiliser ses forces pour vaincre au premier engagement par étranglement arrière Joe Bremer. 1400 personnes seulement étaient présentes pour assister à ce gala du UFC, la finale des Ultimate Fighter 10. On a ramassé près de $500,000 en vente au guichet. Rien d'extraordinaire, mais c'est quand même un peu plus que celle la finale des Ultimate Fighter 9 où on avait ramassé un peu moins de $500,000. Les différents bonus, t'as-tu la liste? Je l'ai sinon ici, 2 secondes. Les bonus, c'était KO de la soirée, Roy Nelson, soumission de la soirée, Mark Bocek, et le combat de la soirée, comme je disais, c'est Frankie Edgar et Matt Veitch. Ils reçoivent tous $25,000 pour leur performance, ce qui est sûrement plus que leur salaire de base dans le cas de certains. Ouais, non, c'était vraiment pathétique comme soirée. Puis le UFC, je pense, s'est planté avec cette série-là, la 10e édition. On a probablement voulu mettre des joueurs de football parce qu'on sait que les Américains, c'est des fervents amateurs de football, puis que ça allait être payant parce que les gens allaient, par curiosité, s'intéresser à ça. Je sais pas si ça a été le cas dans les codes d'écoute, mais en tous les cas, les spectacles qu'on a vus hier soir, c'était gênant. Ben, regarde, pour finir, peut-être avec l'Ultimate Fighter, toute cette saison-là, elle m'a déçu beaucoup parce que je l'ai écrit un peu cette semaine où j'ai dit que Dana White, c'était un vendu. Ben, justement, ils ont perdu l'aspect où ce que c'était plus une question du meilleur combattant, vraiment. Là, à toutes les semaines, c'était juste Kimbo va survenir. Il me semble qu'on n'a pas vu beaucoup non plus d'action dans cette saison de l'Ultimate Fighter. Puis je veux dire, dans le gym, on n'a pas vu beaucoup de séances d'entraînement. On n'a pas vu... Kimbo s'est amélioré beaucoup, Mais il me semble justement, ils n'ont pas passé beaucoup d'aspect, de temps sur cet aspect-là. C'était plus toujours Kimbo Slice va-tu revenir et ce qui se passe dans la maison. Alors, la saison en général m'a déçu. Je l'ai déjà dit, moi j'écoute pas vraiment ça d'habitude. Cette année, je l'ai tout écouté. L'année prochaine, c'est Tito Ortiz puis Chuck Liddell, les entraîneurs. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'est que je me dis, si je suis un jeune combattant, c'est-tu vraiment ces deux gars-là que je veux comme entraîneur? Ils sont peut-être un peu passés date et j'aurais aimé avoir quelqu'un de plus récent, là, de plus présent en ce moment, important dans le MMA que Chuck Liddell ou Tito Ortiz. Je sais pas, ça peut donner un spectacle intéressant. Je sais pas. Mais honnêtement, si t'es un jeune là, combattant là, pis tu t'en vas à l'Ultimate Fighter, là, admettons que t'es un pratiquant de jiu-jitsu en plus. Ben, à vrai dire, si t'es un gars de jiu-jitsu, peut-être que Liddell peut t'aider avec son stand-up, avec ton stand-up. Mais si t'es justement un gars de stand-up pis t'es dans l'équipe de Chuck Liddell, qu'est-ce que Chuck Liddell va t'amener? Bon, en tout cas, les gars ont de l'expérience, c'est certain. On a parlé à Stéphane Vigneault, puis lui, il a dit que s'il y en a un avec qui il aimerait s'entraîner, il nous avait parlé de Vitor Belfort, puis je pense également de Tito Ortiz. Ortiz, quand même, un gars d'expérience, une bonne lutte. Hein. Et le gars, il est encore en shape, puis les gars s'améliorent encore. Les gars sont là depuis fort longtemps, s'entraînent avec les meilleurs depuis 10-12 ans. C'est sûr que, bon, Liddell est dépassé, puis il y en a qui sont bien meilleurs que lui là maintenant. Petit Ortiz, bon, c'est un peu la même chose. Mais quand même, les gars ont l'expérience, ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment gérer le stress dans une cage. Ils ont sûrement des choses à donner aux jeunes combattants. Tu sais, il y a des choses des fois que tu peux pas faire dans l'octogone à cause de ton âge, à cause de l'expérience que tu as. Puis il y a des choses qui sont ancrées en toi, mais tu as quand même des connaissances que tu peux pas nécessairement appliquer toi-même, mais des expériences que tu peux partager pour aider les plus jeunes. Moi je pense, je crois à ça quand même. Oui, non, c'est vrai que d'un point de vue expérience, ça peut être bon. Moi, c'est plus le côté technique où ce que je pense que Tito, t'as raison, m'a impressionné dans son dernier combat. Chuck Liddell, je me demande depuis déjà une couple de combats s'il a la tête encore, parce que le sport a évolué tellement, puis je pense pas que Chuck Liddell a évolué avec le sport. Tito l'a fait un peu plus, peut-être pas assez encore à mes yeux pour être compétitif, mais Chuck Liddell, d'après moi, s'il revient, tu vois, en ce moment, j'espère qu'il va être en forme, parce que Tito m'a montré une bonne forme, puis je mettrais quasiment une chance à Tito là, de remporter pour une première fois contre Liddell. Là. Ouais, il y a pas de doute là-dessus. Puis honnêtement, cet affrontement-là, moi, il m'intéresse tellement pas. Là. Puis Chuck Liddell, effectivement, là, il est unidimensionnel. Je pense qu'il y a juste une main arrière, un peu comme Crocop, lui, il a une jambe arrière, puis il n'y a pas vraiment d'autres outils. Puis Liddell, ça ressemble à ça. Là, c'est un peu non, c'est du bois mort, effectivement. Puis non, honnêtement, là, ce matin, ça va pas bien. Là, j'étais très déçu la soirée d'hier. Là. Si on finissait là sur la soirée d'hier, là, je t'en ai pas parlé, mais j'ai pensé je voulais faire ça avec toi parce que je sais qu'on en a parlé un peu, t'es pas le plus grand fan de Roy Nelson. Si je t'envoie une coupe de noms là chez les poids lourds, je veux que tu me dises si tu penses si Roy Nelson peut gagner ou pas. Admettons contre un Shane Carwin, qu'est-ce qui arriverait? Ah ben là, il n'y a pas de doute que le pauvre Roy Nelson en mangerait toute une, sûrement, là, quand même. Et contre Chuck Congo? Le Chuck Congo, ça risque d'être plus difficile, mais je pense que le Chuck Congo, là, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Puis, alors, c'est une machine. Puis, Roy Nelson, non, je pense pas qu'il ait la taille d'un Chuck Congo. Contre Frank Mir? Contre Frank Mir, là, c'est peut-être un peu plus... non, ça serait un combat qui pourrait être plus intéressant. C'est ça, moi, j'en reviens à dire, je pense que Nelson a sa place dans l'UFC. Je sais que je l'aimais bien avant. Puis je le vois pas combattre contre un Nogueira, je le vois pas combattre contre même un Cain Velasquez, parce que Velasquez est tellement fort, je pense qu'il pourrait le contrôler, même Brock Lesnar. Mais je suis bien content, moi, de voir Roy Nelson. Le gars, c'est pas le plus beau athlète à regarder, mais ses combats sont quand même intéressants, je trouve. C'est sûr que c'est un style un peu contrôler l'action, puis qui peut manquer un peu d'action, mais au sol, il est techniquement assez fort. Alors moi, j'aime bien regarder Roy Nelson. Je suis content de le voir gagner. Oui, non, puis c'était assez clair que c'était le seul qui avait sa place dans le UFC, là, probablement, peut-être avec un ou deux autres noms là, dans cette édition-là, mais on l'a vu quand même. Il y avait un clash assez spectaculaire de talent entre lui et les autres qui ont fait partie de cette série-là cette année. Maintenant, Fred, est-ce que c'est temps qu'on parle de K1 avec Jérôme Le Banner qui participait une fois de plus à ce tournoi? Oui, c'est un peu malheureux pour Jérôme. Il a perdu au premier round TKO. J'imagine que ça a été calé à la fin. Il y a eu des coups aux côtes, des coups de jambes de Sammy Schilt reçus en plein dans les côtes qui ont de l'air assez forts. Sammy Schilt est un gars imposant et pesant, alors les coups doivent être assez forts. Et justement, on parlait avec Jérôme là d'une question un peu de match-up et tout. Et moi, j'ai eu cette impression-là justement que Sammy Schilt a un style vraiment difficile à prévoir si on veut avoir un bon plan de match pour. C'est pas que c'est le plus beau techniquement, mais justement à cause de sa grandeur et tout, il apporte une dimension que d'autres apportent pas. Oui, ben c'est sûr, puis il a dominé encore une fois. Là, ça lui fait 4 victoires en 5 ans, ce gros tournoi-là. Puis il a battu tout le monde au premier engagement. Le Banner, quand même, a démontré de belles petites choses au début du combat. Il y a un coup qui lui a fait mal. Je sais pas s'il y avait une vieille blessure là, Jérôme Le Banner, ou vraiment le coup a touché avec extrêmement de précision, parce que le coup était pas lancé avec toute la force que Sammy Schilt aurait pu déployer. Mais bon, évidemment, il y avait quand même une bonne puissance derrière ce coup-là. Et je pense que c'est le point du genou qui a peut-être touché le foie ou un endroit précis sur Jérôme Le Banner qui a fait mal la première fois. Puis ensuite, de manière intelligente, Jérôme a mis le genou au sol pour profiter d'un compte de 8. Ensuite, il s'est relevé. Quelques secondes plus tard, il y a eu un coup de pied frontal de la part de Sammy Schilt qui a dû frapper à peu près au même endroit. Et ça en était fait. Je pense que aux deux premiers combats, si j'ai bien compris, après deux chutes au tapis, c'est déjà terminé. C'est pour ça que l'arbitre a mis fin au combat. OK. Et si on passait à un gars qui nous intéresse un peu à cause du MMA, Alistair Overeem, tu l'as-tu vu à l'action? Oh, Alistair Overeem a dévoré le Brésilien Everton Teixeira, que moi j'aime bien Teixeira parce que c'est un Brésilien, mais il s'entraîne avec un Japonais, c'est un gars de karaté Kyokushin, Everton Teixeira. Il y avait un autre combattant brésilien, Globe Feitosa, je pense, qui s'entraîne avec le même coach japonais que Teixeira. Et c'est des gars que j'aimais bien. Mais Teixeira, pour une deuxième année consécutive, se fait éliminer au premier engagement. Et Overeem, il te l'a mis KO, là, pas possible, à 1 minute 06 du premier engagement. Un coup de genou et Teixeira est tombé. La façon qu'il est tombé, c'était incroyable, pour vrai. Ah non, je sais pas s'il s'en est relevé, mais Overeem, là, ses coups de genou sont dévastateurs. Et le pauvre Brésilien l'a encaissé et ça a dû faire très mal. Belle victoire d'ailleurs de Overeem. Schilt bat Le Banner évidemment dans son combat de premier tour. Par la suite, Overeem facilement sur la défaite d'Edwerton Teixeira également au premier tour. Il y avait l'autre combat entre Errol Zimmerman face à Rémi Bandjanski. Je sais pas si tu m'avais envoyé le vidéo de la conférence de presse, puis je sais pas si tu as regardé quand ils ont fait le face-à-face, ces deux-là, mais j'ai rarement vu un face-à-face aussi intense. C'était de quoi avoir. Ouais, c'était long, effectivement, Bandjanski et Zimmerman, mais c'est tout de même. J'ai Bandjanski qui a réussi à le vaincre, mais ça a été assez serré, mais c'est-à-dire, on a complété. Ce combat-là, je l'ai pas vu, par contre. Ça s'est terminé après 3 rondes, et chacun des juges a donné la victoire à Rémi Bandjanski au bout des 3 engagements. Alors, une belle victoire encore pour Bandjanski qui a bien fait. Zimmerman, c'est pas un combattant facile à vaincre, mais Bandjanski l'a réussi. Puis d'ailleurs, Bandjanski, c'est lui qui avait remporté l'édition de l'année dernière. Puis au cours de cette conférence de presse-là, également, on a vu les échanges de paroles. Ben, je me souviens plus si c'est celle-là que tu as mis sur ton site, là, mais en tout cas, dans une conférence de presse, je pense que c'est elle. On a vu également un échange de mots entre Overeem et Bader Hari, qui lui, Bader Hari, au premier engagement, a sacré toute une volée aux Russes, là, Ruslan Karaev, au premier engagement, à 38 secondes, victoire par KO. Hari, je pense, c'est un gars extrêmement dangereux, il a plein de talent. Puis Ruslan Karaev, je suis un peu mêlé, je pense, il y a un autre combattant en sport de combat qui s'appelle Ruslan Karaev. Oui, il me semble, je me rappelle de ce combat-là, il avait pas de l'air à sa place trop, le gars qui a affronté Hari, là. Il s'est fait déclasser assez vite. J'avais une question aussi, parce que, regarde, moi, je suis pas plus que ça, le K1. Puis, surtout, toi, des fois, tu connais souvent les équipes. Tous ces Hollandais-là, que ça soit Overeem, Schilt, Bodjanski, est-ce qu'ils sont dans la même équipe? Est-ce qu'il y en a qui s'entraînent ensemble parmi eux autres? Est-ce que tu sais ça? Ben oui, je pense que oui, il y a la Golden Glory, je pense, qui est pas mal l'une des meilleures équipes. Mais là, je voudrais pas dire n'importe quoi, là. Je sais pas si je suis plus grand connaisseur de K1, mais je sais que dans cette équipe-là, autrefois, je pense, il y avait Ernest Hoos, je pense, Simi Schilt, plein de combattants qui viennent de cette écurie-là, la Golden Glory. Je pense même à Alistair Overeem. Anthony Hardank aussi, Pat Barry, je pense, ont déjà fait leur tour, ou ça se peut-tu? Ah, c'est possible. Non, effectivement, les Pays-Bas, là, évidemment, là, je pense que c'est incroyable. Tous les meilleurs combattants debout proviennent de là. Ernest Hoost qui l'a remporté à 3 reprises ce tournoi-là. 4 reprises même. Il y a Peter Hurt qui l'a remporté à 3 reprises. Tous ces combattants-là proviennent, je pense, des Pays-Bas. Puis Bonjasky également. Alors, c'est un lavage complet. Les Pays-Bas sont dominants. Alors là, on a parlé de tous les combats de premier tour. S'en est suivi ensuite les demi-finales qui opposaient Bader Harry face à Alistair Overeem et Simi Schilt face à Rémi Bonjasky. Puis justement, 3 de ces 4 combattants-là proviennent des Pays-Bas. Alors, c'est pour démontrer à quel point ils sont dominants. Puis Bader Harry, je pense, c'est un Marocain, si je me trompe pas. Il est né en Hollande, lui aussi, mais d'origine marocaine. Ah, ben c'est ça, tu vois, il s'entraîne aussi. Alors, les 4 s'entraînent dans le même coin, là. Probablement pas tous pour la même équipe, mais quand même, c'est assez clair, là, il n'y a pas de doute là-dessus. En pied et poing. Ça ressemble à l'armée rouge de Russie des années 80, à peu près, toutes dans la même équipe. Ouais, c'est une domination complète. Harry face à Overeem. Overeem avait surpris tout le monde le 31 décembre dernier, alors qu'il avait vaincu, je pense, par KO grâce à ses mains, Bader Harry. Et c'était une grande surprise parce que Harry, là, c'est probablement le meilleur à l'heure actuelle, le plus talentueux, mais il est encore jeune. Peut-être un peu trop fougueux, mais il a beaucoup de talent. Je pense qu'il est promis, lui aussi, un très bel avenir. Et Harry a réussi à remporter ce combat-là face à Alistair Overeem. On a vu un Bader Harry, je pense, meilleur debout face à Alistair Overeem, qui est un bon combattant debout, mais surtout un bon combattant en MMA. Puis là, avec les meilleurs en K1, c'est assez clair que Harry était le meilleur et c'est lui qui l'a remporté. Ça s'est fait au premier engagement à 2 minutes 14. Oui, et espérons que Overeem va se déplacer là au MMA puis qu'on va le voir se faire déclasser par Fedor. Une petite prédiction. Ouais, ouais, on a bien hâte de voir ça. Il y a Simi Schilt, bon, qui affrontait Rémi Bonjasky. Schilt qui l'emporte par KO. Une belle victoire à 2 minutes 38 du premier engagement. Mais avant ça, Bonjasky avait réussi à coucher Simi Schilt grâce à ses bras, à ses mains. Bon coup de poing qui avait touché Schilt, qui, bon, il mesure près de 7 pieds. Mais par la suite, Schilt a repris le contrôle et il a remporté le combat. Donc, en finale, on retrouvait Schilt face à Bader Harry. Pour Bader Harry, c'est une deuxième finale consécutive. L'année dernière, il avait été éliminé suite à une disqualification en finale face à Bonjasky. Alors là, évidemment, s'attendait peut-être à aller chercher la victoire, mais Simi Schilt l'a arrêté et Schilt qui l'emporte également encore une fois par KO au premier engagement à 1 minute 48. Alors, Schilt a survolé ça et dommage pour Jérôme Labanère qui, je pense, pour une 4e année consécutive, se fait éliminer par celui qui par la suite deviendra le champion du tournoi. Alors, ça démontre que Labanère n'a pas été chanceux avec les confrontations qu'il a eues dans les dernières années. Il a fait face au meilleur, Schilt l'a remporté. Il se sert de sa portée gigantesque, évidemment, de belle façon. Et c'est une 4e victoire pour lui. Rejoint Ernest Hoos pour ceux qui ont le plus de gains à ce K1 World Grand Prix-là. Alors, bravo pour Simi Schilt, qui à 36-37 ans, va peut-être tenter l'année prochaine d'être celui qui a le plus de titres dans ce tournoi-là. Ouais, ben moi je me rappelle de Sammy Schilt depuis plusieurs années, que ça soit dans le Pride puis l'UFC, et c'est, il y a toujours l'aspect visuel que c'est intéressant à regarder un gars aussi grand combattre. Alors je suis bien content, moi Sammy Schilt, comme je dis, je le trouve le fun à regarder, que ça soit en MMA ou encore un. En MMA c'était un peu plate quand ça allait au sol parce qu'il n'y avait pas les qualités requises là, mais c'est toujours un combattant intéressant à regarder. Ouais, ou non, honnêtement, il est bien correct, là. C'est pas le plus spectaculaire, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Fait que, tant mieux pour lui, on est tous contents, mais honnêtement, très déçu pour Jérôme Le Banner. Mais en même temps, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est à moins qu'il y ait une blessure, là, à l'abdomen, on devrait voir Jérôme Le Banner en MMA, puis il va être frais et dispo. Peut-être pour le 31 décembre, on se le souhaite, ou sinon, peut-être bien à Montréal, le UFC. Si on passait quelques minutes peut-être sur le sondage cette semaine là, qu'on a fait à voir qui devrait affronter Jérôme Le Banner, le choix était Mirko Crocop, mais malheureusement Crocop va sûrement affronter Ben Rothwell. Alors ça devrait se faire, il me semble, à l'UFC en Australie. Alors je pense qu'un combat contre Le Banner à Montréal, ça va être impossible. Puis à part de ça, je sais pas qui d'autre qui pourrait mettre contre Le Banner pour rendre ça intéressant. Ouais, ben honnêtement, face à Crocop, moi, ça m'intéressait pas tant que ça. Je pense que Le Banner est supérieur à Crocop debout, certainement. Puis Crocop, je pense pas qu'il aurait tenté d'échanger avec Le Banner. Il aurait probablement tenté de l'amener au sol. Je sais pas qui peut être intéressant pour Jérôme Le Banner, quelqu'un qui se débrouille bien debout. Avec Tim Sylvia, il y a eu une histoire il y a plusieurs années entre les deux. Il y avait eu des défis lancés et tout ça, alors que les deux étaient, je dirais pas à leur apogée, mais les deux connaissaient beaucoup plus de succès, je pense qu'ils l'ont peut-être à l'heure actuelle, mais je pense que ce combat-là pourrait être encore d'actualité. Tim Sylvia, il l'a mentionné à plusieurs reprises qu'il aimerait revenir au UFC. Ailleurs, ça a pas l'air, il a pas l'air d'avoir beaucoup de succès. C'est pas s'il y a un combattant que j'aime pas, c'est bien Tim Sylvia. Mais moi, s'il y avait une raison pour laquelle on pourrait le revoir au UFC, ce serait pour un affrontement avec Jérôme Le Banner. Mais peut-être que le combat pourrait se faire pour le 31 décembre. Sylvia est à la recherche d'un contrat. Ce sera peut-être là qu'on va pouvoir le voir face à Jérôme Le Banner. Et si je te sors un nom qu'on n'a pas pensé, André Arlovski? Ah, ben Arlovski, c'est un combattant incomplet. C'est un combattant d'élite en MMA. Le Banner, pour un premier combat... J'aimerais une proie un peu plus facile pour lui. Ok, tu veux m'envoyer dans le ring ou... Non, mais quelqu'un quand même qui aime échanger debout. Hey, pourquoi pas un Kimbo Slice, hein? Ouais, ben ça, là, écoute, là, je mettrais une cote incroyable sur le pari virtuel. Oh, hey, non, hey, ça serait un record. Ah, je pense que je l'ai trouvé. Moi, je veux Kimbo Slice. Kimbo, là, il n'aura pas à se poser de questions. Ça va être un gars qui aime échanger debout, puis uniquement ça. Et il y aurait pas de tatouinage. Puis je peux vous garantir une chose, Le Banner, il nous ferait pas un Houston Alexander. Là, il tournerait pas en rond. Il irait au charbon. Il l'a toujours fait dans le passé. Il recule devant personne. On l'a vu face à Sammy Shield, là. Il est rentré aller vers l'avant tout le temps. Shield, c'est un gars de 7 pieds. Un des meilleurs en pieds et poings. Qui va probablement rentrer dans l'histoire du K1 avec ce quatrième gain-là, son quatrième gain en 5 années. Pourquoi pas Kimbo Slice face à Jérôme Le Banner à Montréal pour le dernier combat de Kimbo Slice. Après ça, on en aura fini de Kimbo Slice. On se sera tous aperçus que c'était une véritable farce dans le monde du MMA. Hein? Non, je pense moi je vote pour ça. Oui, ça serait excellent. On parle souvent des points de Jérôme Le Banner qui sont bien puissants, mais moi je suis bien impressionné aussi avec ses coups de pied qui arrivent super vite. Puis justement, Kimbo Slice qui me semble là a pas bougé bien dans la cage. Là. Même hier, il a de l'air stiff, il a de l'air d'une grosse cible. Là. Un coup de pied de Le Banner arriverait assez vite pour le mettre KO, moi je prédis. Ah, il te le découperait. Alors, ouais, non, moi, j'aimerais bien un affrontement Kimbo Slice face à Jérôme Le Banner. Ah, c'était ça pour le K1. Est-ce qu'on a d'autres résultats à mentionner? Il y avait un événement à Montréal, pas à Montréal. Ah, à Edmonton, la MFC. MFC, où il y a quelques combattants qu'on apprécie peut-être pas vraiment, mais qui ont performé dans le UFC. Il y a eu une victoire de Jason McDonald. mais je pense que c'est pas très convaincant, si j'ai bien vu. C'est une victoire par décision partagée face à Solomon Hutcherson, qui est quand même pas Wayne Gretzky, qui est un bon combattant. Mais Jason McDonald, je pense son chien est mort, puis on le reverra pas dans le UFC, puisque depuis son départ du UFC, vous vous rappellerez qu'il avait été battu deux fois consécutifs au UFC par Wilson Gouveia et Nate Query, puis ensuite, dans son premier combat après UFC, pour l'organisation MFC, il avait perdu contre Travis Luther. Et là, une victoire pas tant convaincante face à Solomon Hutcherson. Pour Jason McDonald, ça sent peut-être la fin. Lui qui est âgé, je pense, de 37 ans. En tout cas, dans la trentaine avancée. Et Thales Letes, lui, qui s'entraîne avec l'équipe Nuva Unao, avec Wanye Fabiano, José Aldo et plein d'autres combattants très réputés au sol. Ben, il va chercher une 15e victoire puisqu'il a remporté une décision face à l'expérimenté américain Dean Lister. J'ai pas vu le combat, puis j'ai pas vu aucun gala MFC, mais je regarde toujours les résultats, là, puis il me semble que c'est ça, le gros combat finit toujours genre en décision. Et je pense que dans le cas d'un Thales Letes, d'un Travis Luther, ça montre que les gars, c'est des bons combattants, mais il leur manque peut-être ce qu'il faut pour justement être un finisseur puis être parmi les meilleurs. Ouais. Travis Luther, je pense, son problème, c'est peut-être un entraînement, là. Ben, il combattait pas avant-hier, mais quand même, je pense que le gars, il manque de cardio, parce qu'on l'a vu dans les UFC, bon, battre Patrick Côté, là, il a soumis Patrick Côté. On l'a vu face à Rich Franklin, en meilleure forme, puis Luther aurait probablement vaincu Rich Franklin. On l'a vu face à Anderson Silva. Puis au premier engagement, il avait donné de la misère à Anderson Silva, mais après quelques minutes, il s'est épuisé rapidement. Puis ben Anderson Silva en a profité. Luther, si ce gars-là se met à l'entraînement, sérieusement, probable qu'il est parmi l'élite. Thales Letes, il est parmi l'élite, sauf qu'il est plate à voir. Puis à un moment donné, dans le UFC, il ne pardonne pas ce genre de prestations, de contre-performances-là. Ouais, t'as mentionné Patrick Côté, peut-être avant d'aller à la pause, on peut revenir un peu sur son entrevue qu'on a eue. Puis aussi qu'une couple de jours après, il aurait dû nous le dire à nous, là, qu'il voulait affronter Rich Franklin. Il a lancé un défi à Rich Franklin sur sa page Facebook. Moi, je pense que c'est un gros combat pour lui, peut-être un peu Rich Franklin, là, mais en tout cas, ça peut être intéressant, c'est sûr. Franklin, c'est un excellent combattant, mais justement, j'ai peur que ça soit peut-être un peu haut pour son premier combat retour. Ouais, ben peut-être parce que Patrick Côté nous l'a dit, il avait pris un peu de poids depuis, puis Rich Franklin, qui depuis qu'il s'est fait infliger deux sévères corrections face à Anderson Silva, il se combat souvent en catch weight là, au-dessus de 185, mais en dessous de 205. Peut-être que Patrick Côté aimerait faire un combat 195, je sais pas, j'ai aucune idée. En tout cas, ça serait un excellent combat si on peut avoir ça à Montréal. Là. Patrick Côté contre Rich Franklin. Jonathan Goulet contre Dong Young Kim, ça pourrait être bon. Puis Lyoto Machida, Mauricio Rua en finale. On rajoute Jérôme Le Banner. On commence à avoir une carte intéressante. Oui, oui. Ouais, effectivement, ça s'en vient à Montréal. Dès qu'on va avoir plus d'informations, on va vous en parler. Maintenant, on va se prendre une petite pause. On en a bien besoin. Puis on revient avec le UFC 107. Vous écoutez toujours La Voix des Guerriers, c'est une excellente idée. Puisque vous voulez informer, vous n'avez qu'à nous écouter. Et là, on parle avec Fred Lhomme, Nouvelle Garcia. Quand il se passe quelque chose sur Planète MMA, il y a une adresse où il faut se rendre, c'est mmanouvelle.com. Fred, comme si on commençait par Strike Force, il organise des événements intéressants. Et là, le prochain, il y a des nouveautés sur leur carte qui va se dérouler le 19 décembre à San Jose, où, bon, Cogny, évidemment, va affronter Scott Smith, mais il y a d'autres affrontements maintenant qu'on connaît. Oui, ben, Cogny contre Scott Smith, c'est ça. Puis je pense que la semaine passée, on avait mentionné Josh Thompson contre Gilbert Melendez. Oui. C'est rendu officiel, ce combat-là. Maintenant, ils vont s'affronter pour finalement unifier les ceintures. Je pense que ça fait à peu près un an et demi, deux ans là, qu'ils sont supposés de s'affronter. Et aussi Robbie Lawler, qui était supposé d'affronter Benji Raddack. Malheureusement, Raddack n'a pas réussi à avoir l'approbation d'un médecin. Alors, il peut pas combattre. Ça, c'est pour une vieille blessure à une main qui est arrivée à son dernier combat. Alors, Trevor Prangley, que je connais plus ou moins, on l'a déjà vu... UFC. Ouais, c'est ça. Puis aussi dans Strike Force ou Elite XC, il me semble, on l'a déjà vu peut-être. Mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas plus important que ça. Robbie Lawler, lui, va essayer de revenir sur le chemin de la victoire après sa défaite face à Jake Shields. Moi, Robbie Lawler, c'est un gars que j'aime bien voir combattre. C'est un gars avec des bonnes mains, athlétique. Je pense pas qu'il peut être important à 185 livres. Puis aussi le fait que depuis une couple d'années, il combat peut-être pas toujours les meilleurs. Alors, ça nous donne... on sait peut-être pas exactement où ce qui est dans les classements, mais Robbie Lawler, c'est un gars le fun à voir combattre. Alors, je suis bien content de le voir. Il peut pas se permettre une défaite, en tout cas, contre Trevor Prangley. Oui, puis dans le cas de Josh Thompson face à Gilbert Melendez, on en avait parlé avec Thomas Diagne en entrevue. Il y a Mohamed Lawal également qui devrait faire son entrée. Probablement face à Mike Whitehead. Je sais pas si c'est confirmé, si le combat est encore. Sam, je suis pas sûr si c'est confirmé, mais c'est ça qui est supposé être. Pour tous ces combats-là, je vais rajouter bientôt là, les cotes sur le pari virtuel. Alors, on va bien voir. J'ai hâte de voir combien de crédits que tu vas mettre sur Cogny, mon Ken. Je pense que je vais partir ça avec une bien mauvaise cote là pour Cogny. Comme ça, tu vas passer 24 heures sur 24 à regarder la cote changer là, pour pogner la parfaite. Ouais, parce que Cogny, là, moi, c'est l'un de mes préférés, puis j'espère qu'il va combattre de manière un peu plus régulière là en MMA. Puis il y a une autre carte déjà d'annoncer, Fred, parle-moi de la carte qui va se dérouler à Miami, toujours Strike Force le 30 janvier. Oui, le 30 janvier, Strike Force va avoir un autre événement qu'on pourrait dire majeur, là, parce que ça va être Chris Cyborg Santos, la championne féminine. Elle va faire un retour et elle devrait affronter, je pense qu'elle est hollandaise, c'est Marlois Konen. Ouais. C'est ça, c'est une hollandaise. Oui. Oui, ok. Alors c'est ça. C'est pas officiel ce combat-là, mais tout pointe vers Marlois Konen pour aspirante au titre de Cyborg. Et à part de ça, on a aussi annoncé que Nick Diaz et Herschel Walker seraient là. Dans le cas d'Herschel Walker, on a mentionné Bo Cantrell comme adversaire potentiel. Et ça, c'est le même gars que Kimbo Slice a affronté dans son premier combat. Alors, on pourra comparer ce que Herschel Walker fait dans son premier combat face au même gars que Kimbo Slice a affronté dans son premier combat. Puis Nick Diaz, lui, il devrait affronter ou bien Jay Hyron, je prononce toujours mal son nom, et ou KJ Nunes aussi, on parle. KJ Nunes l'avait battu Nick Diaz il y a peut-être un an et demi, deux ans, dans un gala, il me semble, qu'il avait eu lieu à Hawaii. Et c'était une coupure. Exactement, c'est ça. C'était l'arbitre avait arrêté le combat, puis après ça avait fait une petite guerre dans le ring, là, parce que KJ Nunes s'était mis à célébrer, puis Nick Diaz avait pas aimé ça, parce qu'il considérait pas que c'était une vraie victoire. Alors, ces deux-là s'affronteraient finalement. KJ Nunes, lui, a passé du temps dans la boxe cette année. Il a eu 3 victoires, 1 défaite, il me semble, j'avais lu en boxe cette année. Et là, il reviendrait en MMA. Alors, la boxe n'a pas dû si bien aller que ça. Parce que je me rappelle pas d'avoir entendu son nom dans le milieu de la boxe. Non, c'est ça. Carrière éphémère. Je pense qu'il avait déjà entamé une carrière de boxe auparavant. Puis là, il a voulu la continuer. Il y a, je pense, une douzaine de combats pro en boxe déjà exécutés. Okay. Ben, c'est pas, le gars, il y a pas le... Bon, il y a du talent, là, mais je pense pas qu'il ait du niveau que Nick Diaz en MMA. Ouais, non, moi non plus, je pense que Nick Diaz... Le problème avec Nick Diaz, je pense que des fois, il va s'entêter à rester debout. Et des fois, il va réussir contre Robbie Lawler. Dans le temps, il avait réussi. Mais justement, KJ Nunes, il a des bonnes mains et tout. Alors, Nick Diaz, s'il y aurait un plan de match intelligent, ça serait d'amener ce combat-là au sol assez vite. Et il y aurait un sérieux avantage au sol. Pour Strikeforce, ça fait une carte de plus dans leur jeu. Avec KJ Nunes, c'est pas un gros nom, mais un combat KJ Nunes contre Nick Diaz, ça va réussir à se vendre. Et Strikeforce continue à nous offrir quand même des combats intéressants là à venir. Ça, c'est juste le début de cette carte-là. Il risque d'avoir d'autres choses qui vont se rajouter. Yes! Maintenant, au UFC, qu'est-ce qui se passe au UFC? La prochaine carte, bon, on va vous en parler un peu plus tard. Si, mais si avant, on parle peut-être de Rampage qui se dit prêt à revenir... Oh, qu'on est heureux, hein? Ouais, mais attends, je me rappelle plus c'est sur quel site web j'ai lu ça. Le titre disait Rampage vous dit qu'il est prêt à revenir et après ça encore démissionner parce qu'il l'a mentionné aussi qu'il voulait juste finir son contrat. Ah. Alors, Rampage nous dit tout de suite qu'il veut revenir, mais ça sera pas trop longtemps. Rampage est un caractère, disons, là, un personnage là intéressant, comique. Mais des fois, je dois me demander si les neurones fonctionnent tout bien en haut. Oui, des fois, on dirait que ça s'entremêle au deuxième étage, puis il pète des coches. Là. Non, mais ce gars-là, il est intéressant, mais j'y confierais pas mes enfants. Bon. Oui, non, c'est... Ben, je sais pas, il a pas l'air d'un gars méchant non plus, là, je dirais pas ça. Mais c'est juste, des fois... Je pense qu'il est impulsif aussi, Rampage. Ça doit être quelqu'un de bien émotif et il l'a sur cœur, sûrement la chicane avec Dana White. Là, comme j'ai mentionné sur c'est le plus récent sondage, je suis pas sûr s'il est fini, sauf où ce que ce repos-là pour Rampage, des fois du repos, ça peut être bon, mais dans le cas de Rampage, je pense pas que ça va être bon ce repos-là. Les quelques photos que j'ai vues, il a l'air d'avoir pris du poids. Puis oui, c'est un très bon athlète et il va sûrement revenir assez vite en forme. Mais tu vois, dans le cas de Randy Couture, quand il y a eu sa chicane avec l'UFC, je pensais que le repos lui a fait du bien. Dans le cas de Nogueira, quand il a pris le temps de se remettre de ses blessures, je pense que ça, c'était bon. Dans le cas de Rampage, je suis pas sûr que c'est bon ce repos-là. Non, non. Puis tu sais, le gars, il a du talent, mais pas tant, là. Puis dans les 205 livres, là, il y a tellement... Exactement, il va se faire dépasser vite. Oui, c'est ça. Fait que, ce temps-là qu'il vient de perdre, il ne le retrouvera jamais. Surtout que lui, là, c'est à ce moment-ci de sa carrière qu'il doit en profiter. Dans 2-3 ans, il va être trop tard. Ouais, tu parlais des gars-là à venir. À l'UFC 108, Junior Dos Santos finalement affronterait Gilbert Ivel, qui est hollandais aussi, il me semble. Gilbert Ivel. Oui, certainement. Il s'entraîne au Voss Gym avec je te parlais tantôt là de voyons Ernesto Hoos qui est là. Il y a l'autre là qui combat dans le UFC, là, Anthony Ardon qui est là, Remy Bonjalski aussi, Paul Daly également, qui combat dans le UFC. Là, il va faire un tour à l'occasion au Voss Gym. Alors un Hollandais. Ivel a fait des chaos spectaculaires en début de carrière avec des coups de genoux sautés et tout ça. Bon, maintenant, il était peut-être un peu plus gros, mais quand même, debout, est toujours un gars dangereux. Oui, regarde, on est à quoi, là, à un mois de l'UFC environ? Ce gars-là là, a lieu le 2 janvier, ouais, c'est ça, on est à un mois. Alors, à un mois là de ça, c'est un bon adversaire qu'ils ont trouvé quand même, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes disponibles. Ivel est crédible, comme tu dis, debout. Et au sol, à son dernier combat contre Barnett, il avait rien fait au sol, mais il s'était très bien défendu. Moi, je me rappelle, j'avais été quasiment déçu de la performance de Barnett. Ah oui. Alors... on sait jamais, Ivel peut offrir une bonne performance, puis Dos Santos, lui, ça va rajouter un nom intéressant à la liste. Si jamais il bat, ça fait un nom de plus à sa liste de victimes, quand même un nom connu. Oui, ben, écoutez, dans ce combat-là, face à Josh Barnett, Ivel avait passé tout le combat sur son dos, pratiquement. Barnett, s'il y en a un, tu veux pas l'avoir sur toi, parfois en position montée aussi, là... Barnett, c'est un gars de catch avec des forces incroyables. Là, il peut vous soumettre dans plein de positions, mais il a jamais réussi. Il a réussi à gagner suite à des coups répétés au troisième round, mais ça lui a pris plusieurs frappes avant d'en arriver là. Puis je pense dans ce combat-là, Ivar avait démontré beaucoup de cœur. Par la suite, Ivar a combattu également face au Brésilien, le vétéran Pedro Rizzo, puis il l'a mis KO assez rapidement. Je pense que c'était au premier engagement à ce moment-là. Là, il va être prêt pour une deuxième victime brésilienne, mais Junior Dos Santos a prouvé que c'était pas un gars facile. Oui, non, moi, regarde, j'allais dire, je suis beaucoup impressionné avec Dos Santos. Oui, je suis beaucoup impressionné. Avec ça dit, je sais pas si les victimes qu'il a faites, là, Crocop, Verdum et Struve. Stéphane Struve, ouais. C'est ça, c'est pas non plus, il y a rien de fantastique. Puis Ivol, c'est encore une fois, c'est dans la même classe, je dirais, d'adversaire que justement un Verdum ou un avec des qualités différentes là, mais c'est dans le même niveau si on veut. Alors c'est sûr que Dos Santos, faut garder un œil dessus. Puis qu'est-ce que tu veux, les blessures ça arrive. Alors il y a pas le choix, c'est pas de sa faute. Et on verra bien. Moi j'ai bien aimé Dos Santos. Il faut garder un œil dessus, je pense. Ouais. Par la suite, autre potin, autre rumeur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être quelques mots sur Cyril puis Xavier. Cyril a gagné son combat, c'était jeudi soir, en Californie. Il affrontait Rod Smith, c'est ça? Oui. Rod Smith, oui, une belle victoire, une autre soumission. Alors, le gars qui est un spécialiste en Muay Thai, qui est un danger incroyable debout, mais là, se permet, dans ses derniers combats, de soumettre ses adversaires. Oui, et Xavier, lui, malheureusement, Xavier Foupa-Pocam, le français, a perdu, lui, par décision contre Munoz. J'ai oublié son prénom. Ruiz, excuse-moi, c'est vrai. Ouais. Puis, c'est ça, il a perdu une décision. Mais Ruiz, c'est un gars avec d'expérience. D'ailleurs, il a déjà affronté le Prangley qu'on a parlé tout à l'heure, là, Ruiz. Il avait perdu, mais quand même. Un gars d'expérience, puis je pense un gars plus gros physiquement que Xavier Foupa-Pocam. On essaiera dans les prochains jours de parler avec Pocam et également Cyril Diabaté pour avoir un peu plus de nouvelles, puis leur état d'esprit doit être très différent dans les deux cas, puisque, bon, Cyril, quand même, il va avec une 9e victoire dans ses 10 derniers combats, et Xavier Foupa-Pocam, je pense, c'est sa 3e défaite consécutive. Alors, ça va être intéressant, si on a l'occasion de leur parler, de voir qu'est-ce qui se passe pour eux dans les prochaines semaines. Oui, c'est ça, voir les prochaines étapes et comment, dans le cas de Cyril, voir qu'est-ce qui s'en vient pour lui, parce que c'est un excellent combattant, comme plusieurs nous l'ont dit dans la dernière semaine, et on pourrait peut-être le voir dans une grosse organisation qui diffuserait ses combats, ça serait au moins le fun. Et tant qu'à Xavier, mais ça serait le fun de voir comment qu'il prend ça, parce que c'est toujours intéressant l'aspect mental de voir comment qu'on revient d'une défaite. C'est peut-être un peu tôt, là. On va faire un essai pour avoir une entrevue avec Xavier, si jamais ça l'intéresserait, l'appel est lancé. Oui, bon, par la suite, l'UFC 110. Velasquez, ça Nogueira, ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est à l'UFC 110, Velasquez versus Nogueira, il me semble, c'est ça? Oui, ah, c'est ça, regarde. On pensait télépathie. Oui, c'est ça, Nogueira contre Velasquez, Bisping contre Wanderlei Silva, Crocop contre Ben Rothwell. C'est un beau gala. L'UFC qui va aller en Australie. Le gala va avoir lieu en Australie le dimanche après-midi pour qu'il ait lieu à la même heure pour nous autres habituels. Je me demande si ça va faire bizarre pour les combattants ou si ça changera absolument rien, le fait qu'il y a du soleil pendant qu'ils combattent. Ouais, voilà. Ils ont quand même quelques mois pour se préparer, là. Je peux pas croire. Mais ça m'étonnerait, là. De toute manière, quand t'es un athlète, tu l'es le jour, le soir, puis pendant la nuit. Ouais, ben tu vois, moi je suis toujours intéressé. Faudrait que je retourne, parce que je me rappelle plus de sa réponse exacte. J'avais demandé à Chuck Congo dans le temps, lui qui s'entraîne en Angleterre, puis que tu vas à Las Vegas, là, c'est vraiment un changement de 6 heures, 9 heures. 9 heures de différence. Et c'est ça, il arrive pas à Las Vegas, il arrive juste genre 5 jours avant le combat à Las Vegas. J'ai toujours trouvé ça intéressant quand même qu'il arrive pas avant ça pour s'habituer au décalage horaire. Oui, non, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les combattants procèdent. Je sais que lorsque tu prépares un combat, puis que tu sais que tu devrais combattre vers 22 heures, bien, il y a certains combattants qui préfèrent s'entraîner en conséquence, c'est-à-dire de Ouais. t'entraîner de manière intensive également vers ces heures-là dans les semaines précédentes. Ouais. On parlait de Strike Force tantôt, j'ai oublié de mentionner. Ils ont signé une entente de diffusion avec une chaîne de télévision au Canada qui s'appelle Super Channel. J'ai regardé vite. Cette chaîne-là est disponible genre sur Bell Express Vue, mais pas sur Vidéotron. Moi, c'est ce que j'ai, Vidéotron. Alors, je la connais pas, la chaîne, mais une petite mention que Strike Force va être diffusée maintenant au Canada sur la chaîne Super Channel qui semble disponible seulement sur Bell Express Vue. Ah, ben d'accord. Bonne nouvelle pour les amateurs de MMA qui sont sur Bell Express Vue. Est-ce qu'on a fait le tour des potins nouvelles? Ouais, je pense que oui, peut-être une petite mention à Paulo Filho qui va affronter un japonais dont j'ai oublié son nom la semaine prochaine, samedi prochain au gala BTT Combat, Ben, c'est ça? Paulo Filho est rendu obèse, hein, je pense qu'on peut le dire. Là, j'ai vu une Ouais, photo. ouais, Le garçon, il a peut-être arrêté les pilules, mais je pense qu'il se fait plaisir dans d'autres petites sucreries. ouais. Ouais. Paulo, on te surveille. Il grossit à vue d'œil. Non, ce gars-là, je pense, sa carrière, là, était promis à un bel avenir, mais quelques petits problèmes ici et là. Je pense que c'est mental peut-être aussi parce que moi en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Justement le dernier combat, il y a eu des problèmes de visa, il me semble. Alors c'est ça, il y a un manque de préparation ou je sais pas. Il me donne, c'est l'impression que j'ai moi à regarder Paulo Filho où ce que je vois un gars qui semble pas prendre ça au sérieux ou pas être prêt. Ah, ben je pense qu'il y a eu des problèmes plus sévères que ça là, de l'ordre psychique. Là. Je pense dans un combat, son deuxième combat contre Chael Sonnen, il voyait quelqu'un d'autre dans le ring avec lui. Là. Ah ouais, ah ok, ça se peut, Ah je me rappelle ouais, plus. le gars, non, c'était pas clair à ce moment-là. Puis après ça, il y a eu un moment de repos. Je pense également il y a eu des problèmes de consommation de drogue. Non, lui, il a eu vraiment eu des gros problèmes là. Mais en tous les cas. On Hein? va y souhaiter qu'il revienne le mieux possible, le plus vite possible, parce que c'est un bon combattant. C'est ça. Puis je pense qu'il a lâché les drogues peut-être pour tu sais, Manger. quand c'est ça. C'est ça. Quand tu règles le problème, souvent t'en crées un autre. Alors ben on va lui souhaiter bon appétit par la Ouais. suite, peut-être. Mais ouais aussi peut-être juste Matt Hughes là, qui a annoncé sur son site web qu'il va revenir assez vite à l'UFC, mais Matt Hughes il a de l'air juste à vouloir combattre des gars qui sont juste d'un certain style là. Il a pas de l'air à vouloir combattre des gars que j'appelle la nouvelle génération, c'est de même que je vais les appeler maintenant, la nouvelle génération de combattants MMA, les Georges St-Pierre, des John Fitch, des Koscheck, tout ça, Matt Hughes a pas de l'air à vouloir se mêler à ça. Ouais, effectivement. Alors, ben, honnêtement, Matthews, je m'en fous pas mal. À l'heure actuelle, le gars, il a fait son temps, puis on verra bien quand ça va donner, là, voir si Mais ça son prochain adversaire, est-ce que ce sera Renzo Gracie ou un autre. Je vais juste faire une dernière parenthèse sur cette nouvelle-là. Cette semaine, à un moment donné, je me disais, Dana White, là, maudit qu'il est pas correct des fois. Ben justement, Matt Hughes vient de signer un gros contrat. Là, on n'a pas les chiffres, là, mais il a signé une extension de contrat. Puis tu regardes un gars comme Dan Anderson. Dan Anderson est pas mal plus compétitif que Matt Hughes en ce moment. Et Dan Anderson mériterait un contrat dans l'UFC, mais moi j'ai l'impression que Dana s'en sert pour essayer de faire mal à Strike Force et c'est pas correct, je trouve. Mais comment faire mal à Strike Force? Ben en faisant monter les enchères et en espérant que Strike Force signe Dan Anderson à haut prix. Ouais, ben en même temps, s'il voudrait faire ça, peut-être qu'il s'afficherait plus en faveur de signer Dan Anderson. Parce que là, dans les commentaires qu'il fait, ça c'est clair qu'il veut pas le signer tant que ça, là. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, faudrait qu'on voie plus les négociations, là, mais Ouais. j'ai toujours l'impression que Dana White, c'est pas un gars clean en négociation. Non, ça c'est clair. Puis je suis d'accord avec toi. S'il y en a un qu'on avait à choisir là, entre Dan Anderson et Matthews, là, on prend Anderson avant. Même si Anderson est plus âgé que Matthews, je pense que lui, il a encore le feu. Ouais, c'est ça. Bon, moi je vais vous parler d'un événement qui va se dérouler à Gatineau le 12 décembre prochain. Un événement de REC MMA. Ça va se passer à l'aréna Robert Guertin. Il y a Fabio Alanda qui va être là. Ça, c'est Monsieur BTT Canada qui a son club là, à Montréal chez Gamma. Alors, il y a Patrick Côté qui est l'un de ses élèves. Alors, Fabio Alanda va affronter Sean Pearson. 6 victoires et 5 défaites, ça, c'est Fabio Alanda. Il a battu tout récemment en 2009 Rowan Cunningham. Ça, c'était dans un événement ringside. Il affronte Sean Pearson, 8 victoires et 4 défaites. Il a affronté à 3 reprises Steve Vigneault, Sean Pearson. Il a vaincu à 2 reprises. Et dans leur dernier duel, Pearson avait été défait par Steve Vigneault. Il y a également Mark Hall, 7 victoires et 1 défaite. Sa seule défaite, c'était face à Martin Grandmont, un gars, Mark Hall, qui a un certain talent debout. Il va affronter Nabil Khatib. Et il y a également Nick Denis, qui a combattu au Japon cette année, qui a une fiche de 8 victoires et 1 défaite. Sa seule défaite, c'était face à Marlon Sandro, dans un événement Sangoku, qui va être là également pour affronter Sean Quinn. Puis dans les Québécois, là, je vois également Yannick Galipo qui va y être. Lui qui a une fiche de 2 victoires, 3 défaites. Il a perdu face à Nick Ring cette année. Et là, ben, il va tenter sa chance face à Louis-Philippe Carl. Alors, c'est un événement REC MMA le 12 décembre prochain à l'aréna Robert Guertin. Il y avait Martin Desilets qui était supposé combattre hier soir. Hier, quand je dis hier, c'était samedi, puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Alors hier, c'était samedi le 5 décembre. Martin Desilets devait affronter M. Vali Maki pour une ceinture de cette organisation-là. Et honnêtement, je ne la connais pas, là. Mais le combat n'a pas eu lieu. Vali Maki, c'est plein de mots, de problèmes au foie. Alors, c'est assez précis quand même. Elle n'a pas pu disputer le combat. On tentera d'avoir plus de nouvelles avec Martin Desilets, qui est reconnu quand même pour avoir un caractère bouillant. On essaiera d'y parler au cours des prochaines heures, là, les prochains jours, pour en savoir un peu plus là-dessus. Puis, à Montréal, il y a la SFL. Ça, Fred, c'est une organisation qui, je trouve ça super intéressant. C'est pour les grappleurs, là, surtout, les combattants de Jiu-Jitsu, de Sambo peut-être, là, les gars qui ont des techniques de soumission au sol. Alors, c'est une ligne qui organise des événements à peu près une fois par mois. Et là, va avoir lieu, ben ça a lieu là. Alors au moment où vous attendez ça, l'événement est probablement terminé, là. Mais c'est l'absolute, c'est-à-dire que tous les meilleurs de la saison vont s'affronter dans un petit tournoi. Ça se déroule aujourd'hui. Et je tiens à saluer quand même 4 fiers représentants de la ville de Québec qui vont être là. Parmi, je pense qu'il y a 13 personnes qui sont éligibles à participer au tournoi absolute, qui ont été parmi les meilleurs de toute l'année. Et il y en a 4 qui proviennent de la ville de Québec. Alors, une ville qui, on voit bien, là, où il y a du talent de manière incroyable. Ken, j'ai peut-être une dernière petite nouvelle avant la pause pour toi, ou je sais pas si tu avais d'autres choses à dire après. Mais je veux juste te rappeler que tu as un autre segment à faire, là, à enregistrer. Mais on dirait que dans les commentaires, il y a beaucoup de gars comme toi qui semblent commencer à être accrochés au pari virtuel. Oui, non, effectivement. Fred, c'est une création fantastique et on tient à saluer les participants. Puis pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas encore inscrits, on se réveille, on se rend sur mmanouvelle.com, on clique en haut là, à droite sur Paris virtuel, on s'inscrit sur le forum, puis ensuite toutes les possibilités s'offrent à vous. D'ailleurs, dans notre prochain bloc, on va vous parler des combats qui vont avoir lieu dans le prochain UFC. Vous devez, j'irais même, déjà pouvoir aller miser quelques crédits. Et on vous rappelle, c'est tout à fait gratuit et le plaisir là vraiment est garanti. Et c'est vraiment un jeu amusant, surtout ce matin, alors que j'ai progressé au tableau des meneurs. Ouais, il me semble que t'es 6e, c'est ça? En feu! Ouais, ça va. Oui. C'est qui a été payant pour toi hier? Ben, ils ont tous été payants. J'ai ah ouais? eu un 3-3. 3-3, wow! Oui, ben, je te rappellerai quand même que j'avais dit que, comment il s'appelle, Kimbo Slice allait remporter son combat parce que plus gros que son adversaire. Bon, le but, là. Mel, c'est vrai, t'avais prédit ça. Oui, ça, c'était ma prédiction. T'avais prédit ça de cette façon-là aussi? Ma prédiction signée Gisèle. Oui, je t'avais dit que John Jones était beaucoup plus talentueux, mais j'avais des doutes sur son fair play. sur son cœur à l'ouvrage. Mais honnêtement, hier, là, il m'a impressionné, le jeune homme. Puis surtout après le combat, tu sais, des propos sensés, puis il acceptait la décision. Puis non, ce gars-là, là, il l'acceptait plus que certains des lecteurs qui ont laissé des commentaires. Oui, ben moi, il a monté dans mon estime, John Jones, là. J'ai beaucoup aimé, ouais. Déjà, je l'appréciais beaucoup. Non, ce gars-là, c'est un danger. Et vraiment, ça c'était ma prédiction signée Gisèle, c'est-à-dire que sur papier, là, tout me donnait à penser que John Jones allait gagner le combat. Mais bon, Gisèle, qui va de... C'est ma voyante, là, je m'en cacherai pas. Puis elle m'a dit non, ce sera une victoire de Matt Hamill. J'ai misé sur Matt Hamill et aujourd'hui, écoute, je suis très dangereux là. Puis à la vitesse que ça va, je pense que je vais être premier avant la fin de l'année 2009. Puis c'était même pas dans mes objectifs là. Je sais très bien que je vais rosser tout le monde en 2010, mais je voulais commencer tranquillement pour donner de l'espoir aux gens. Puis pour qu'il y ait de plus en plus de parieurs quand même, pour pas pour que les gens quand même aient un sentiment qu'ils peuvent gagner. Et là, ils l'ont eu, mais là, ils sentent très bien que le tapis est en train de leur glisser sous les pieds. Tabarnak, ça se peut-tu dire des niaiseries de même? Hey Fred, avant qu'on se quitte pour une pause, il y a Marius Panzanowski qui, bon, affiche quand même une forme exemplaire, là, un peu à ton image, Fred. Il y a juste sûrement 200 livres de plus que moi, mais... Oui, c'est ça, puis tout placé dans ses biceps, là, attention. Le gars est, je pense, 5 fois champion du monde dans les hommes forts. Alors, on est sûr qu'il y a eu un train de vie sain et équilibré, une alimentation, il sait comment ça marche, là. Puis pas de petites pilules, mais en tous les cas, il devrait entamer la semaine prochaine, le 12, une carrière en MMA. Il va affronter un gars que je ne connais pas puis qu'on connaîtra probablement jamais. C'est probablement la seule fois qu'on va entendre son nom. Il va affronter Marcin Najman. On va quand même suivre ça avec curiosité parce que quand il y a un gars avec des bras comme Panzanowski qui fait un combat à MMA, bon, on a beau là aimer les combattants talentueux et tout le tralala, mais on est quand même curieux. Alors, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus puis on en reparlera lorsqu'on en aura des nouvelles. Oui, puis Ken, faut manger 7 fois par jour. Alistair Overeem nous l'a dit cette semaine dans une vidéo que j'ai postée. Oui, ben, c'est ce que je... Tu l'as-tu vu, la vidéo où ce que Overeem explique sa diète? Non. Ah non, j'ai mis ça il y a peut-être 2 jours, genre, sur MMA Nouvelle. Ça m'a trouvé... je l'ai trouvé... ou bien Overeem nous prend pour des caves, ou bien Overeem est arrogant avec cette vidéo-là où ce qui essaie de nous expliquer sa diète et qu'il mange 7 fois par jour et que sa mère était forte et qu'il y a le métabolisme de sa mère et etc. OK. Bon, en tout cas, déduction, Paulo Filho a pas la même mère qu'Alistair Overeem parce qu'il doit manger également 7 fois par jour, mais ça n'a pas l'air à donner les mêmes résultats. Là-dessus, on va aller chercher un petit beignet, une petite sucrerie, puis on revient après cette douce musique qui va vous assagir, puis ensuite on va terminer ça en beauté avec le bloc UFC 107. Go BJ! Alors, c'est le temps de passer au UFC 107. Vous écoutez toujours La Voix des Guerriers et Fred, l'homme Nouvelle Garcia, est tout heureux, tout excité, parce qu'on va y parler de son combattant préféré ou l'un de ses préférés, c'est-à-dire BJ Penn qui affronte Diego Sanchez. Et on vous rappelle que cet événement-là, le UFC 107, se déroule au FedEx Forum à Memphis, au Tennessee. Et cet amphithéâtre-là héberge également une équipe de la NBA, les Grizzlies de Memphis, qui vous en rappellerez peut-être, là, les fervents amateurs de basketball. Mais autrefois, les Grizzlies évoluaient à Vancouver, ici au Canada. Mais bon, on s'entend, le basket au Canada, on n'aime pas ça tant que ça. Et ben, ça s'est déplacé... Même si on l'a inventé. Ouais, mais honnêtement, moi, c'est pas mon sport préféré. Non, je sais, moi non plus. Mais on n'aime pas ça, même si c'est nous qui l'a inventé. C'est ça. Puis je vois ça dans nos rues, là, à Québec, puis dans le coin de Montréal aussi. Là, il y a une maison sur trois, on a un panier de basket. Mais avez-vous déjà vu un jeune jouer avec son panier de basket? Non, alors, non. À Noël, offrez pas des paniers de basket à vos enfants. Ils s'en serviront pas. Des gants MMA, c'est bien mieux. Bon, BJ Penn face à Diego Sanchez, le titre des 155 livres est en jeu. BJ Penn, 30 ans, 14 victoires, 5 défaites, un combat nul. BJ, c'est un gars avec beaucoup de talent, des mains rapides, debout, des jambes correctes, là, sans plus. Au sol, évidemment, un phénomène. Il a été le premier Nord-Américain a remporté un titre de Jiu-Jitsu brésilien au Brésil. Alors, c'est quelqu'un quand même d'assez incroyable au sol, puis on l'a vu, là, une souplesse indéfinissable. Là. C'est extraordinaire ce qu'il peut faire avec ses jambes. Il y a une ceinture noire sous André Perdeneras en Jiu-Jitsu brésilien, qui l'a reçu en 99. Et ce Perdeneras-là, c'est le gars qui est à la tête de l'équipe Nova União. Alors, vous les savez, là, on les mentionne souvent, ces noms-là. Il y a Wanyi Fabiano, José Aldo. Alors, une équipe réputée en Jiu-Jitsu brésilien. Et BJ Penn s'est entraîné un peu avec cette gang-là dans le passé. Je ne sais pas s'il le fait encore à l'heure actuelle. Mais une chose est sûre, c'est que BJ Penn, à 155 livres, il va être très difficile à vaincre. Est-ce que ce sera Diego Sanchez qui réussira à le faire? La question est lancée, Fred. Moi, là, regarde, j'ai écrit cette semaine un texte pour créer un peu de l'animosité, si on veut, là, créer un peu d'action, profiter du fait qu'il y a beaucoup de monde sur MMA Nouvelle, puis j'apprécie ça, et créer de la discussion, ça aide. Alors, Diego Sanchez, là, je vais te dire que BJ a peut-être pas affronté un gars déjà qui a le cardio d'un Diego Sanchez. BJ a peut-être pas affronté un gars qui a l'agressivité d'un Diego Sanchez. Ouais, il a quand même affronté Georges Saint-Pierre. D'après moi, ouais. le meilleur cardio à MMA. À 155 livres d'abord, excuse-moi. Okay. Laisse-moi reprendre ça. À 155 livres, là, tu sais, si on regarde, je pense que Diego Sanchez est supérieur à Joe Stevenson, il l'a prouvé. Je pense que Diego Sanchez peut-être est supérieur à Sean Sherk. Sean Sherk a pas vraiment évolué. Alors, je pense que Diego Sanchez peut apporter une nouvelle dimension au combat contre BJ Penn. Avec ça dit, moi, je vois BJ Penn très haut. Georges Saint-Pierre a dominé BJ, mais je pense que le poids a beaucoup à voir dans le MMA, surtout maintenant que le sport a évolué. Et justement, BJ est fait pour 155 livres, il est pas fait pour 170 livres. Il a pas la musculature ou la force physique. Mais il a tous les talents du monde, que ce soit sa boxe, son menton, il est capable d'encaisser des coups. Il a lâché contre Georges Saint-Pierre, mais il a mangé des méchants coups pendant 20 minutes de temps avant de lâcher. Et dans d'autres combats aussi, là, on le voit jamais vraiment se faire sonner. Alors, il a un menton solide, BJ, il a de la bonne boxe. Diego Sanchez, debout, s'est beaucoup amélioré. Alors, debout, je dois dire que je vais dire qu'ils sont à égalité à peu près, d'après moi. Au sol, sauf, je vois que BJ a un grand avantage, parce que moi, BJ, je le sais qu'il peut combattre du dos, et justement, même si Sanchez se retrouve en position où ce que il se retrouve dans la garde de BJ, BJ, pour moi, est pas désavantagé, il va trouver une façon de rendre ça à son avantage. Alors, si ça sera au sol, je vois tout simplement que BJ, et c'est ce que je prédis, qu'une fois au sol, BJ va finir ça avec un autre rear naked choke qu'on a vu si souvent de sa part. Voyez ça, les BG Penn. Bon, sur ses victoires, il y en a 6 qui sont suite à des soumissions sur ses 14 victoires, 5 par TKO, alors seulement 3 par décision. Mais je pense qu'il est légèrement surestimé, l'ami BG. Je pense que Georges Saint-Pierre, c'était pas une question de poids qui a fait en sorte qu'il l'a vaincu. Georges était plus rapide que BG Penn, plus explosif. Georges a une meilleure lutte techniquement. Ouais, évidemment, plus sa force physique l'a aidé aussi. Au sol, BG avait peut-être l'avantage, mais Georges Saint-Pierre était tellement puissant. Puis là, peut-être que effectivement le poids a joué dans la balance. Mais le Diego Sanchez, là, très fort physiquement. Ici, il y en a un que j'aimerais pas avoir dans ma garde au sol, là. C'est Diego Sanchez. Il peut vous frapper de manière furieuse, là, avec beaucoup de violence. Je me souviens de son affrontement face à Kenny Florian en 2005, où il te l'avait tranché au sol à grands coups de masse, là. Très dangereux au sol, le Diego Sanchez. 9 de ses 21 victoires suite à des soumissions. Le gars a beaucoup d'expérience quand même. Une fiche de 21 victoires, seulement 2 défaites. Ces deux défaites, c'était à 170 livres et c'était par décision, une unanime, l'autre partagée face à Josh Koscheck et John Fitch de manière successive, là, un après l'autre. Mais après ça, Diego Sanchez, c'est que des victoires à 155 livres notamment. Et Fitch et Koscheck, je pense, les deux pourraient également disposer de BG Penn. Alors, Je suis pas d'accord, là, tu viens de me faire de la peine. Mais hier, pour vous montrer que j'ai une vie super intéressante, j'avais du temps de libre puis je me suis amusé à regarder des vieux combats de BJ Penn. Et je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Georges Saint-Pierre, c'est un phénomène. J'ai regardé, OK, Kenny Florian, c'est pas du tout le même type de combattant, mais il a essayé de faire la même stratégie. Il l'a amené dans la cage, il l'a poussé, mais il avait tout simplement pas la force pour épuiser BJ Penn. Et Diego Sanchez est plus fort que Kenny Florian, mais d'après moi, c'est loin d'être Georges Saint-Pierre, et je vois BJ Penn devrait avoir la réponse. Mais ça va être un excellent combat, puis moi je l'attends là comme ça pas de bon sens, c'est le combat que j'anticipe le plus. J'ai hâte tout court, parce que ça va être un bon combat, ça je le sais. Ouais, mais BJ Penn a quand même quelques défaites, 5 défaites à son dossier, parce que bon, souvent il s'est pas présenté... Deux contre Georges Saint-Pierre, une contre Machida, celle contre Jens Pulver, ben il était pas vraiment en forme. C'est ça son problème. Le gars, il est instable émotivement, puis il se présente pas toujours dans la meilleure des formes. Là, bon, on peut comprendre, il le saura peut-être. Apparemment, il s'est adjoint les services de Marv Marinovic, qui est un ancien joueur de football, un sexagénaire, mais de ce qu'on comprend, c'est que c'est un gars excessivement strict, et puis c'est là que BJ Penn est allé faire son camp d'entraînement. Je pense que ça se trouve en Californie, si je me trompe pas, là. Mais en tous les cas, le gars, il fait suer ses patients, puis c'est un... ce qu'on dit, c'est un gars qui a un génie d'entraînement. Puis BJ Penn, ben, il l'a prouvé peut-être face à Kenny Florian, une meilleure condition physique. Puis on a vu les vidéos avant ça où il faisait des choses. Bon, mais peut-être, je pense aussi mentalement, t'as glissé un mot là-dessus. Moi, j'ai l'impression que BJ a grandi. Ça y a pris du temps à l'accepter, la défaite contre Georges Saint-Pierre. Mais d'après moi, il l'a accepté. Et il l'a plus qu'à accepter. Ça l'a aidé à justement devenir un meilleur combattant contre Florian. Puis je pense que BJ a grandi un peu dans cette défaite-là. Oui. Bon, Diego Sanchez, lui, bon, il est un peu plus jeune, il a 27 ans. Un peu plus grand, il a 5 pieds 10, alors que BJ est à 5 pieds et 9. Bon, si on parle de portée, c'est 72 pour Sanchez, 70 pour BJ Penn. Encore là, avantage pour Sanchez. 21 victoires, 2 défaites du côté de Sanchez. Debout, bon, je pense les mains les plus rapides, de toute évidence, c'est BJ Penn. Puis, il frappe sec également, BJ Penn. Sanchez, on l'a vu là récemment. Stand-up s'améliore sans cesse à Sanchez. Faut y donner ce crédit-là parce que Sanchez est un gars super concentré. Peut-être un des athlètes les plus concentrés tout court. Là, tout sport confondu, ça a l'air d'un gars avec beaucoup de will, j'ai pas le mot, de vouloir, tu sais, réussir. Ça, c'est tout à son avantage, le vouloir et l'ambition d'être un champion. Seule chose, c'est ça. Moi, il y a beaucoup de talent, gros, fort. Il pourrait causer la surprise. Ça va être un excellent combat. Ouais, une ceinture noire en Gaido Jutsu, ça c'est l'art martial créé par Greg Jackson. Per Sanchez, c'est un gars qui a vécu là au Nouveau-Mexique, puis c'est le peuple, il a commencé le MMA, je pense, avec cette équipe-là, Greg Jackson. Puis à un moment donné, il est parti parce que Greg Jackson a choisi, je dirais, peut-être de manière inconsciente, là, mais Georges Saint-Pierre. Puis Sanchez, il a quitté. Puis c'est une ceinture brune maintenant à Jiu-Jitsu brésilien. Il s'entraîne avec les meilleurs là à San Diego. On n'a qu'à penser au frère Ribeiro, Solo Ribeiro, entre autres, qui est une légende en Jiu-Jitsu brésilien. Une quatrième degré ceinture noire qui est 6 fois champion du monde en Jiu-Jitsu. Alors, je pense que son niveau au sol, Sanchez, a probablement progressé. Puis, son ground and pound, là, moi, je pense que c'est l'une de ses forces. S'il réussit à amener BJ Penn au sol, ce qui sera pas chose facile, parce que Sanchez, il a une base de lutte, mais il aura pas la technique ni le timing de Georges Saint-Pierre là, debout. C'est pas nécessairement si beau que ça à voir, mais c'est très efficace. On va bien voir ce que ça va donner. Il a jamais été mis KO ni TKO. Sanchez a démontré qu'il avait une bonne mâchoire. Ce sera pas un combat facile pour BJ Penn. Non, ça c'est sûr. Si on passait à l'autre gros combat pour nos amateurs, c'est sûrement, surtout ceux de France, c'est Chuck Kongo là, qui fait un retour finalement. Je pense que c'était l'UFC 99 qui avait perdu contre Cain Velasquez. Puis c'est ça, c'est un premier retour pour Kongo depuis sa défaite. Il affronte Frank Mir. Comment tu vois ça se passer, ce combat-là? C'est un combat qui m'intéresse, mais je vais pas de prédiction aujourd'hui. J'attends quand même pour notre spécial de samedi ou vendredi, là, peu importe là. Je pense que Chuck Kongo va offrir une bonne prestation. S'il y a un gars qui a démontré qu'il avait du cœur là cette année, c'est bien Chuck Kongo. Toute une performance face à Cain Velasquez, il a démontré beaucoup de courage. Dans le cas de Frank Mir, lui revient d'une défaite très dure. Ben, les deux reviennent d'une défaite très dure. Mais Mir, qui est un gars, je pense, arrogant, qui aime afficher beaucoup de confiance, peut-être que ça va lui avoir fait un peu plus mal, cette raclée qu'il a mangée aux mains de Brock Lesnar. Ça, c'était au UFC 100. Alors, les deux ont eu à peu près le même temps pour se rétablir de leurs raclées respectives. On va bien voir ce que ça va donner. Évidemment, les forces de Mir se trouvent au sol. Celle de Kongo, c'est debout. Alors, ce sera toute une question de plan de match et de voir qui va réussir à appliquer le plan de match de la bonne manière. C'est comme ça qu'on va pouvoir voir qui remportera ce duel-là ou ces deux styles vraiment différents qui vont s'affronter. Oui, tu l'as très bien dit, c'est le plan de match. Et moi, je pense que c'est l'aspect que je vais regarder le plus du côté de Chuck Kongo. J'espère que Kongo va arriver quasiment avec un plan de match pas défensif, mais intelligent, là. Parce que moi je vois pas. Je sais que Kongo a des bons genoux et tout en clinch, mais j'ai toujours peur, là, justement, hier, quand j'ai vu Roy Nelson amener le combat au sol contre Brandon Schwab, là, il était ventre à ventre, là, si on veut. Et Nelson l'a amené au sol là avec un sweep avec la jambe. C'est le genre de move que j'ai peur que Mir pourrait se retrouver à faire sur Kongo, puis que Kongo se retrouve dans une très mauvaise position. Alors c'est pour ça que je dis, j'espère que Chuck va avoir un plan de match là où ce que pas défensif, mais où ce qu'il va garder ses distances et pas trop être agressif face à Mir, parce que Mir a un jiu-jitsu assez fort pour surprendre Kongo assez vite là avec une soumission selon moi. Alors tout est dans le plan de match comme t'as dit pour moi. Oui, mais Mir, il a vraiment pas la technique de Cain Velasquez pour amener le combat au sol. Il peut le faire, mais s'il le fait, il va falloir qu'il travaille de façon acharnée. Ce sera pas aussi facile que pour Velasquez, parce que Velasquez l'a prouvé. Je pense que c'est pas Kongo qui a mal performé, c'est plutôt Velasquez qui est une lutte extraordinaire, qui va toujours de l'avant. Puis Mir, il a pas ce talent-là. Ça va être toute une tâche pour lui d'amener le combat au sol. Mais une fois le combat au sol, là, évidemment, il va avoir ses chances. Ouais, mais tu vois, je pense que Mir voudrait quasiment se retrouver en clinch ou de quoi. Là, il veut couper la distance malgré les genoux dangereux de Kongo. Parce que si Mir reste debout puis il boxe avec Kongo, ça ira pas bien pour lui. Si Mir essaye un takedown de style lutteur, il a pas les aptitudes pour ça. Alors d'après moi, Mir cherche quasiment à se retrouver en clinch pour amener le combat au sol. Et moi, je trouve que c'est une position dangereuse pour Kongo. C'est pour ça que je dis, j'espère qu'il va garder ses distances, envoyer pas trop de coups de pied non plus, parce qu'il va s'exposer pour se faire amener au sol. Et s'il faut gagner au point, mais qu'il gagne par décision, c'est une victoire et on passe au prochain. Oui, le prochain, c'est John Fitch face à Mark Pierce, Fred. John Fitch, un vétéran, 31 ans, il s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy. Un gars avec tous les talents qui a une série de victoires assez extraordinaires là, à son actif, sauf évidemment son affrontement face à Georges St-Pierre qui vient attacher cette belle liste-là. Il a une fiche de 20 victoires et 3 défaites et il sera opposé à un gars qui en sera son deuxième combat dans le UFC. Il a comme nom Mike Pierce, que je ne connais pas. 5 pieds 8 que j'ai vu. Alors, c'est un tout petit homme, mais avec un gabarit que j'imagine imposant. Il a 10 victoires et 2 défaites. Ouais, c'est ben regarde, on a déjà parlé du combat là. C'est un combat que John Fitch peut pas perdre. Surtout qu'il a déjà perdu face à Georges St-Pierre, mais depuis ça va bien et avant aussi ça va bien. Alors à 170 livres, John Fitch peut être considéré deuxième, troisième, sûrement dans les classements. Alors John Fitch peut pas se permettre une défaite parce qu'une défaite va le faire descendre vraiment beaucoup. Ça va mettre beaucoup de monde avant lui. Alors un combat très important pour Fitch. Kenny Florian face à Clay Guida. Florian, évidemment, qui a quitté Marc de la Grotte pour s'adjoindre les services de Firazavi et du Tristar. Est-ce que ça va être une réussite pour lui? On va le voir, parce que son adversaire, qui a passé du temps avec Greg Jackson ces derniers temps, et également le Midwest Running Center, c'est Clay Guida, le gars a beaucoup d'énergie, et ça risque d'être un combat intéressant, ça, entre Kenny Florian et Clay Guida. Oui, Florian est... Et Guida, c'est deux gars qui sont toujours excitants, comme tu as dit, beaucoup d'action. Je pense, sauf c'est pas des gars qui ont vraiment une chance à la ceinture, mais c'est pas toujours le plus important dans un combat. Ça veut rien dire dans la qualité. Alors, je suis bien content de voir deux gars à 155 livres qui amènent de l'action, qui poussent, puis qui ont pas peur d'échanger non plus. C'est pas des genres de gars qui tournent en rond pendant 15 minutes comme Houston Alexander. Bon, Paul Buentello, le joyeux Mexicain, 35 ans. Si j'aurais du talent, je te chanterais la chanson mexicaine, mais je n'en ai pas malheureusement. Ah, 6 pieds 2, un gars qui a un style de kickboxer, 24 victoires, 10 défaites, s'entraîne également à l'American Kickboxing Academy. Il vient de détruire là Kirill Sedelnikov, qu'on surnommait Baby Fedor, dans un événement Affliction. Puis auparavant, il avait défait également Gary Goodridge, le Canadien qu'on a vu souvent, qu'on voit encore peut-être trop souvent, en tous les cas. Et il a perdu dans le passé contre Alistair of Reims, Paul Buentello. Là. Et là, il va affronter un géant, 6 pieds 11, qui provient de la Hollande. Il a seulement 21 ans, 18 victoires et 3 défaites, c'est sa fiche. Il a perdu contre Junior Dos Santos, mais par la suite avait réussi de belles victoires dans le UFC face à Dennis Stajnik et Chase Gormley. Et également, j'ai vu ça dans son dossier, il a subi une défaite il y a quelques années face à un Français du nom de Christian Mpumbu. Je connais pas. Alors, non, honnêtement, moi non plus, mais Monsieur Mpumbu, quand même un beau dossier, il est encore en action. On essaiera d'avoir plus d'informations un jour sur Christian Mpumbu. Ah là là, se trouve face à Buentello, c'est un combat qui risque d'être drôle. Ben, d'après moi, Buentello va détruire Struve. Je vois pas comment que Struve va amener Buentello au sol. Et debout, Buentello est très bon, moi je trouve. A de très bonnes mains. Non, mais tu vas voir, il va décortiquer. Oui. Il va décortiquer Struve. Pas très bon comme un gros faiseur de KO, là, mais il va le décortiquer et ou bien le mettre KO ou bien gagner au point. Je vois ça comme combat. Je vois pas Struve apporter aucun danger à Paul Buentello. Par la suite, Alan Belcher, il a dans la mi-vingtaine, 14 victoires et 6 défaites. Dans le UFC, il a 5 victoires et 4 défaites. Il vient de perdre d'une décision partagée face à Akiyama, le japonais. Et avant ça, il avait soumis Dennis Cogne. Et là, son adversaire, c'est le Brésilien de 31 ans, Wilson Gouveia. qui s'entraîne avec l'American Top Team. Il a 12 victoires et 6 échecs. Au début de 2009, il avait perdu contre Nathan Marquardt. Et avant ça, il avait détruit Jason McDonald dans les 155 livres. Matt Wiman, 10 victoires et 5 défaites. Il a perdu ses deux derniers combats par décision face au Canadien Sam Stout et également face à Jim Miller. Et là, son adversaire, c'est Shane Nelson. Il a une fiche de 12 victoires et 4 défaites. Il s'entraîne avec BG Penn. Il vient de perdre un combat retour face à Aaron Riley. Dans les 170 livres, on a le gars qui combattait auparavant pour la WEC, qui a fait son entrée dans le UFC avec une belle victoire sur Amir Saadollah. Il s'agit du lutteur Johnny Hendricks, 6 victoires et aucune défaite. Son adversaire sera Ricardo Funch, un Brésilien. C'est son premier combat UFC, je ne le connais pas. Il a 7 victoires pour aucune défaite. Toujours dans les Brésiliens. Cette fois-ci, on a un duel de Brésiliens. On est dans les 185 livres. Rosimar Palhares de la BTT, la Brazilian Top Team. 9 victoires et 2 défaites. Sa défaite dans le UFC l'avait subi face à Dan Anderson par décision. Il a 6 de ses 9 victoires suite à des soumissions. C'est un as au sol quand même, une ceinture noire au sol. Très dangereux, mais debout quand même, pas si dangereux que ça. Il avait battu dans le UFC Jeremy Horn et également Ivan Salaverry par une clé de bras là. Délectable, vous vous en rappellerez certainement. Son adversaire, Lucho Linhares, un Brésilien qui a une fiche de 13 victoires et 4 défaites, qui s'entraîne en Finlande. C'est bizarre, hein? Il a 35 ans, 5 victoires de suite, c'est son premier UFC. Il a battu, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça, là, dans les dernières années, le Français Karl Amoussou. Dans les 170 livres, il nous reste que 2 combats, alors soyez patients. On finit avec Demarquez Johnson, 13 victoires, 7 défaites. Il a perdu contre James Wills, la finale des Ultimate Fighter 9. Il affronte un autre Mexicain, mais celui-là, un vrai Mexicain, puisque Buontello, c'est un Mexicain, mais un Américain d'origine mexicaine, je dirais, alors qu'Edgar Garcia, c'est un véritable Mexicain. Et 7 victoires et 1 défaite, c'est sa fiche. Il a perdu son dernier combat face à Brad Blackburn. C'était par décision partagée. Finalement, il va falloir attendre au dernier combat pour voir un Canadien. Il s'agit de T.G. Grant de la Nouvelle-Écosse. Il n'a que 25 ans. Il a excellent au sol. 14 victoires et 3 défaites. Dans le UFC, il a un dossier d'une victoire et une défaite. Sa victoire, c'était face à Ryo Chonan. D'ailleurs, depuis ce combat-là, Chonan est reparti chez lui. Et sa défaite, c'était contre le Coréen Dong Hyun Kim. Mais cette fois-ci, on lui oppose pas un Asiatique. Non, c'est Kevin Burns. 7 victoires et 3 défaites. Il a perdu ses 2 derniers combats. Vous vous en rappellerez. Et je suis sûr que mon ami Fred s'en rappelle. C'était face à Anthony Johnson. Et également face à Chris Little. Alors c'était ça pour le UFC 107 qui se déroulera le 12 décembre prochain au FedEx Forum à Memphis, au Tennessee. Et émission spéciale La Voix des Guerriers, édition d'avant-combat, à écouter la journée de l'événement ou le vendredi. Là, je me souviens plus qu'est-ce qu'on fait d'habitude, mais autour de l'événement, il y aura un événement spécial où on va décortiquer chacun des combats, où il y aura également une prédiction Gisèle et chacune de nos prédictions pour les combats qui vont être sur la carte principale. Oui, et moi, là, je le répète encore, c'est le gala que j'attends le plus. Il y a beaucoup de combats que j'aime dessus. C'est sûr que BJ Penn fait beaucoup partie des raisons. Mais en gros, la carte est super, super intéressante. Les 5 combats présentés à TV ont quand même un attrait, je trouve. Peut-être John Fitch contre Mike Pierce, ça pourrait être un peu mieux, là, mais John Fitch, on veut le voir quand même. Alors, 5 combats intéressants et j'ai hâte à samedi. Oui, on a tous hâte à samedi pour un autre événement de MMA. On suit ça où pour savoir tout ce qui se passe au cours de la semaine? C'est sur MMAnouvelle.com. Par la suite, le 19, il y a un événement, je pense, de la WEC. Et Strike Force le même jour, en même temps. C'est ça, Strike Force. La WEC avait annoncé en premier leur événement, et après ça, Strike Force a annoncé le leur la même en faisant ça le même jour que la WEC. Puis comme j'ai mentionné, moi, je pense que c'est la meilleure stratégie que Strikeforce peut faire, c'est aller face à face à la WSC. Si Strikeforce veut faire mal à l'UFC, mais ils peuvent faire mal indirectement à l'UFC en allant face à face avec la WSC. Alors, vous vous en doutez, on va vous parler de tout ça la semaine prochaine. En plus de ça, on aura les résultats de l'événement du UFC dont on vous a parlé dans les derniers instants. C'est le mot de la fin. On vous invite toujours à nous donner vos commentaires. Si vous voulez nous envoyer un courriel pour blasphémer, pour nous dire à quel point on a été mauvais. Puis d'ailleurs, il me semble que j'ai été poche aujourd'hui. Alors, on se reprendra la semaine prochaine, ça va être meilleur. Mais Fred, toujours dans la constance avec ses rumeurs, ses potins, ça, il n'y a pas de problème. Tout est là sinon. Et radio à commercial, mmanouvelle.com pour... que vous avez à nous dire ou simplement nous écrire un commentaire. Si vous avez des suggestions, vous aimeriez qu'on parle à quelqu'un de votre coin, évidemment qu'on parle de MMA, pour n'importe quoi, on est toujours à l'écoute, on lit tous vos courriels avec attention et là-dessus, on vous souhaite de passer une belle semaine et d'aller parier quelques crédits virtuels pour BG Penn, pour Diego Sanchez. À vous de choisir.